Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Are you ready to rumble? Ready to rumble? Oui, mais en encore plus, moins cliché, je dirais, parce que ma Dattilou est quand même assez originale. C'est quoi, c'est vraiment bizarre que tu dises ça ce matin? Comment ça? Stairwell Rumble hier. Je m'en fous un peu. c'est quoi ça, non? Hein, c'est la lutte. Super. Donc, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. La lutte, c'est des affaires qui sont pas nécessairement véridiques, véritables et vérifiables. C'est véridique, OK, m'entends-tu? Oui. Je veux pas défaire ton rêve. Astine-moi pas là-dessus. Bon, qu'est-ce que tu disais? Bien. Commençons avec un drôle de fait, François. Tu connais J.K. Rowling? Oui. L'auteur de Harry Potter? Oui. Moi, je savais pas encore qu'elle avait pas de deuxième nom. Donc, le cas a été complètement sorti de nulle part. C'est vrai. Tu sais, J.K. Rowling, c'est une fille, ça, tu savais? Joanne. Oui, Joanne. Donc, son prénom, c'est Joanne. Mais quand Harry Potter and the Sorcerer's Stone, le premier livre, est sorti, l'éditeur pensait que le livre se vendrait mieux au public cible, qui est des jeunes garçons, s'il ne réalisait pas que c'était écrit par une femme. Donc, à la place de sortir un livre sous son propre nom, on lui a demandé d'utiliser ses initiales. Et comme elle n'avait pas de deuxième nom, tu sais, comme aux États-Unis, tout le monde a des deuxièmes noms, vraiment, elle n'en avait pas. Donc, elle a choisi le nom de sa grand-mère préférée, Kathleen. Donc, ça fait J.K. Rowling. Eh bien. Hein? Impressionné, non? Quand même. OK. Tu vas peut-être être plus impressionné par ce gars-là, qui est un homme qui a perdu 41 livres en jouant à World of Warcraft sur un vélo d'exercice. Oui, un gamer de 274 livres a joué pendant 3 mois à World of Warcraft. Il a attaché son clavier à un vélo stationnaire et a fait de l'exercice pendant qu'il jouait. Donc, son régimen d'exercice, qu'il appelait le War Biking, combiné avec une diète faible en calories et un petit peu de poids sur le côté. Elles l'ont aidé à perdre son poids en aussi peu de temps. De poids, là, d'altère. Des poids d'altère, exactement. En jouant à World of Warcraft. C'est un bon truc, par exemple. Ouais, quand même. Tu connais Patrick Stewart? De Star Trek Nouvelle Génération, le chauve, là. Non, ça te dit rien. Tape Patrick Stewart, tu vas le reconnaître, c'est sûr. C'est le gars dans Star Trek qui est chauve. Bref, il est chauve depuis l'âge de 19 ans. C'est vrai. Et cette famille, dans la famille Stewart, son fils Daniel Stewart est aussi chauve. Pendant que Patrick Stewart était connu pour... Oui, tu recollais sa face, non? Oui. D'accord. Même s'il était reconnu pour le fait qu'il était chauve, dans ce temps-là, quand il était jeune, c'était pas quelque chose qui le rendait très, très heureux. Donc, quand il était jeune, à genre 19, 20 ans, je sais pas trop quel âge, il y avait un comb-over, là, tu sais, les cheveux... Non, pour cacher, là. C'est exactement ramener. Ça. Ramené par-dessus, wow. Il y a d'ailleurs une entrevue avec Patrick Stewart sur le lien sur assemblagerequis.com, mais c'est intriguant, pareil, à 19 ans. C'est jeune. C'est très jeune. Pauvre lui. Une loi qui a été proposée en Chine forcerait les enfants, mais qui sont rendus adultes, les enfants de parents, tout le monde est enfant de parents, mais c'est les enfants devenus plus vieux, de devoir visiter leurs parents plus vieux. Donc, ils devraient absolument les visiter, c'est comme obligatoire. Sinon, les parents pourraient les poursuivre. Mais ça, c'est une loi qui a été proposée, donc pas acceptée encore, mais c'est une loi qui pourrait arriver un jour. Tu dois visiter tes parents vieux, sinon ils pourraient te poursuivre. C'est bizarre, là. Étrange. Ouais. La planète Neptune, tu connais? Ouais. A été vu pour la première fois en 1846 et au mois de juillet 2011, après 165 ans, il va finir sa première orbite autour du Soleil. Après 165 ans. Eh ben, c'est long. Oui, c'est long. Tu connais le nom Crayola? Oui. Hein? Ça veut dire oily chalk ou encore de la craie huileuse. Ça combine en français le mot craie, Crayola, craie, et ola, qui veut dire huileux. Hein? Ah, c'est logique, par exemple. Tout à fait. C'est très logique. Tout à fait. Avant une partie de playoff, comment t'appelles ça, les playoffs, les éliminatoires? Série éliminatoire. Avant une partie d'éliminatoire en 1993, un coach de football dans une école secondaire de l'Illinois a fait semblant de se faire tirer pour essayer de motiver son équipe. Ah, j'étais tiré là, voilà. Aïe. Mon Dieu. Tu parlais dans ton bloc de nouvelles du campus de QTR de procrastination. Oui. De remettre à plus tard les choses. Savais-tu qu'il y a un club aux États-Unis qui s'appelle le Procrastinators Club of America? Tu peux être membre. Tu peux être membre et leur lettre de nouvelles s'appelle la lettre de nouvelles du mois passé. C'est brillant. C'est vraiment pas. J'aime ça, ouais. C'est vraiment bien. La Suisse a été le dernier pays qui a arrêté d'utiliser les pigeons voyageurs. Ils ont gardé 30 000 oiseaux jusqu'au milieu des années 1990. Hey. 90, là, récemment, ça l'a là. 30 000 encore, pigeons voyageurs en Suisse. Eh bien. Pour avoir prêté sa chanson « Beat It » à une campagne contre l'alcool au volant. Oui, c'est ça. C'est, on n'a pas les droits pour ça. Donc, pour une campagne d'anti-conduire sous, finalement. Comment t'appelles ça? Michael Jackson a reçu le Presidential Special Achievement Award du président Reagan. A reçu quoi, le plus? Le prix du Special Achievement Award. Donc, il a accompli quelque chose de spécial, selon le président Reagan, en passant sa chanson « Beat It ». Beat it. François, ça coûte 10 000 $ par minute, cette chanson-là, alors on n'a pas le budget. Tu connais le groupe Def Leppard? Oui. Moi, j'étais pas au courant, j'étais impressionné. Je suis sûr que tout le monde est au courant, mais je vous l'enseigne pour ceux qui le savent pas, que le batteur du groupe Def Leppard n'a qu'un seul bras. Oui, oui, oui, oui. Hey, les crimes... C'est drôle que t'en parles, c'est ça? Non, mais c'est, je le savais, mais c'était caché à l'intérieur de moi. OK. Donc, en 1983, le groupe venait de sortir... Oui, tout à fait, c'est très spécial. Le groupe venait de sortir leur album qui les a rendus populaires, en tout cas, Pyromania. Là. Et ils voulaient enregistrer un autre album après. Les plans ont été déraillés le soir du Nouvel An, quand le batteur Rick Allen a eu un accident de voiture sérieux. Bref, là, les détails parlent d'une Corvette, etc., qui est rentrée dans un mur de pierre. Sa copine s'en est sortie sans trop de blessures. Quelques blessures, mais bon. Allen lui-même a dû perdre son bras et ont dû l'amputer. Allen ne voulait pas que ça l'empêche de jouer. Donc, après 4 semaines à l'hôpital et plusieurs autres semaines à s'en remettre là, chez ses parents, il est retourné au studio, déterminé à trouver une façon de jouer efficacement, si on veut. Avec le soutien de ses collègues ou coéquipiers de groupe, il a commencé à utiliser une batterie faite spécialement pour lui. Il peut jouer avec son pied, l'autre batterie, dans le fond. Il joue avec une main et puis l'autre avec son pied. C'est quand même spécial. Il s'est pratiqué pendant 8 heures par jour pour réussir à le faire. Et puis après tellement d'essais, le groupe a réussi à sortir l'album Hysteria. Et on dit que c'est le meilleur album, l'album le plus vendu, oui, de Def Leppard. Jusqu'à maintenant. C'est de la volonté. Oui. Il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs. En fait, c'est sur la page d'assemblagerequis.com. Cliquez sur l'article et il est là, la vidéo. Eh bien. Et on va terminer avec un fait sur Disney. François, Olivier Marchand. Vas-y, ouais. J'ai out. Savais-tu que Jasmine était la seule princesse de Disney qui n'est pas le personnage principal de son film? Non. Non. C'est peut-être une surprise pour certains, mais si on y pense, chaque autre princesse est le focus, si on veut, de l'histoire. Les titres même portent soit une mention de la princesse, ou soit un surnom, soit une allusion. Par exemple, bon, Pocahontas, Mulan, Cinderella, Cendrillon, Snow White, Blanche-Neige, évidemment, bon, ça, on les connaît tous. Sleeping Beauty, ça parle de la princesse Aurora, qui dort, donc Sleeping Beauty, c'est une référence à elle. Beauty and the Beast, bon, mais la belle. Belle, qui s'appelle Bella? Belle. Bref, c'est sûrement la beauté là-dedans. La princesse et la grenouille, qui est la princesse là, de la grenouille, si on veut. Et puis Tangled, qui parle des longs cheveux de Réponse, là. Tu sais, Réponse, dont je t'ai parlé récemment. Réponse. Bref, Aladdin, voilà, est le film où Jasmine apparaît. Et Aladdin, ben, c'est pas Jasmine. Donc, c'est comme le seul film de Disney qui n'a pas le nom ou une allusion à la princesse dans le titre. Eh ben. Oh ben. Eh ben, on apprend, hein. Pas aussi intéressant que le gars a un bras. Mais bon. C'est tout, François. Non! Ça va faire! Ça va faire. Tu t'as pas aimé mes faits aujourd'hui, quoi? Non, c'était... Oh, tu veux chialer, oh, chialer? Non, dis-le. Je suis capable d'en prendre. Non. Dis-le. C'était bon. Non. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. 5 règles à suivre pour sauver une dictature. Tu sais, mettons, t'es en dictature puis tu veux que ça reste en dictature. OK, donc en même temps, tu nous donnes potentiellement des conseils pour arriver à contrôler nos semblables. Tout à fait. Donc, première règle, eh bien, censurer la presse locale et internationale. Naturellement. Censurer est un moyen sûr et efficace d'atténuer tout mouvement révolutionnaire. Un moyen, donc, permettant de ne pas laisser se propager des mouvements de grogne susceptibles au travers de la presse et gonfler et prendre une ampleur trop importante. Le meilleur moyen, par ailleurs, restant de nationaliser un bon nombre de médias importants tout en faisant couler les plus petits à l'aide notamment de sabotage, d'intimidation en tout genre ou encore d'attentats envers les locaux de récalcitrants. Ben oui, parce que les médias sont une forme de communication et on sait que c'est important de contrôler les communications. Exactement. En dictature. On vous propose même de pirater peut-être ces médias concernés. Dans toute guerre populaire, la gangrène redoutée par les chefs d'État est la presse, d'autant plus la presse internationale qui relaye d'une façon ou d'une autre les informations sur les événements d'un pays et crée une mauvaise image du dit pays et par la même occasion du gouvernement en place avec en tout premier lieu une très mauvaise image du leader politique national. Exemple, en Irak, en Corée du Nord, Égypte, etc. Cette méthode porte ses fruits et écarte à coup sûr du lieu des manifestations. Bien sûr, les journalistes imprudents qui voient le risque de se retrouver arrêtés pour des contrôles de visa et gentiment amenés dans des postes de police ou des contrôles bien loin des mouvements. Une méthode qui a fait ses preuves. Certaines nations n'hésitent pas par ailleurs à directement condamner les journalistes puis à les exécuter pour trouble à l'ordre public ou encore espionnage. Les spécialistes du genre étant notamment la guerre de Corée du Nord et l'Iran. Des préceptes mis en place notamment par le feu président Ben Ali ou encore le général Kadhafi, voire même les présidents Bouteflika et Moubarak. Cela, je connais vraiment des valeurs sûres dont on n'a pas hésité à mettre cette règle numéro 1 en application. Mais attention, il arrive parfois que certains médias changent de camp en cours de route et là, tout devient plus compliqué pour les gouvernements. Ben oui, naturellement. Veux-tu savoir la deuxième règle? Oui, j'aimerais bien. Eh bien, couper les communications cellulaires. Contrôler les communications cellulaires, une idée intéressante permettant de ne pas voir les informations aller trop vite d'une région à l'autre ou encore d'un pays à l'autre. Une méthode permettant de désunifier les mouvements qui peuvent poindre dans divers endroits d'une même cité tout en déséquilibrant la corrélation populaire liée à l'ascension aux communications cellulaires. Vous voyez, une méthode donc mise notamment en place par le président Moubarak en Égypte sur les lieux de manifestation permettant ainsi de mieux refouler par exemple les médias occidentaux qui n'étaient pas dans la possibilité de transmettre les directs. Donc, Mais on voit que c'est beaucoup contrôler les communications qui permet à une dictature de se maintenir en place. J'ai un ami qui est né sur le continent africain et il affirme que dans son pays, à un certain moment donné, il y a eu une tentative de coup d'État. Et ils sont allés à la télévision, sont allés à la radio, sont allés dans les journaux. Et puis là, dans tous les médias, ils ont dit « on contrôle les médias, on contrôle les communications, donc on contrôle le pays ». Mais bon, ça n'a pas donné les résultats escomptés, mais le principe à la base n'était pas si fou quand tu y penses. Ben, c'est clair, parce que les gens, l'information, ils apprennent là. T'sais, fait que si on dit que tout est contrôlé, tu ne peux pas savoir, toi, de ton petit foyer chez toi. Exactement, sauf que c'était juste une poignée d'individus qui ont essayé de prendre le contrôle du pays, puis rapidement, bon, ben, ça a été maté par les forces armées. Donc, un moment donné, pour mener une révolution, j'imagine que tu n'as pas le choix de te frotter à l'adversaire, rendu un certain tout point. Tout à fait. Règle 3, eh bien, imposer un couvre-feu. Quel est le meilleur moyen donc d'avoir un semblant de calme et que d'imposer imposer ce calme aux rues de la ville ou du pays donc sous peine de représailles. La meilleure façon est pour cela de décréter un couvre-feu. En effet, grâce à cette mise en application du couvre-feu, toutes les personnes présentes dans la rue passées une certaine heure peut être arrêtées, peut être contrôlées, ça l'aide déjà. Et puis dans le cadre, il est donc légal d'arrêter ces personnes ou encore de les détruire, ces dernières ayant volontairement outrepassé les directives nationales en bravant l'autorité judiciaire. Une méthode souvent utilisée, mais qui présente beaucoup de limites, car si beaucoup se mettent d'accord au sein de la population pour braver la loi, alors il devient plus en plus difficile pour le gouvernement de faire taire les opposants. Cela fait bien trop de monde à arrêter ou à tuer, et puis ça règle pas nécessairement tout, mais bon... c'est quand même assez important d'imposer le couvre-feu. La règle 4, eh bien, censurer la toile et les réseaux sociaux. Donc, Internet est devenu un formidable outil de cohésion pour les peuples opprimés, un outil permettant de réunir, de discuter, de s'organiser, de se mobiliser, de débattre sur les événements d'un tel ou tel pays. Un moyen aussi de s'informer sur ce qui se passe au sein d'une nation sans que les médias tributaires des règles numéro 2 et 3 n'en soient informés. Ben oui, on voit qu'en Chine, là, le contrôle qui est fait sur Internet est très, très strict. C'est un excellent exemple. Ben oui, exactement. On sait que la toile ou la vie en 2D est devenue plus qu'une arme de destruction massive des dictats à travers le monde et beaucoup commencent vraiment à la craindre. Celle-ci pouvant réellement être contrôlée en toute discrétion par personne. Une méthode qui a notamment porté ses fruits en Libye où le général Kadhafi est passé maître dans l'application de cette règle. Un poison pour les chefs d'État dictateurs qui est plus dangereux ou encore... plus dangereux encore pour eux qu'une arme atomique. Donc, Twitter, Facebook, etc., des noms qui font trembler les pires gouvernements du monde. Des noms encore inconnus il y a quelques années et qui, aujourd'hui, ont réussi, grâce à des jeunes, donc à renverser des dictatures quand même assez bien installées. Ben Ali, par exemple, le président dictateur tunisien, avait sous-estimé cette force de frappe populaire et a fini par s'enfuir de Tunisie face à la pression populaire. En Égypte, le président Moubarak n'a pas fait la même erreur et a censuré directement dès les prémices des mouvements populaires ses moyens d'expression pour ne pas avoir à faire face à ça et à migrer donc en direction de l'Arabie Saoudite. Les réseaux sociaux ont une réalité fictive ayant découlé sur une véritable et une réelle vie. La vie en 2D a fait des ravages en 3D. Ben, j'imagine bien, c'est d'une logique implacable. Et la règle 5, c'est un peu ce que tu disais tantôt. Ne pas perdre la puissance militaire. Ah ben là, naturellement. Hein, la puissance militaire, cette force de frappe armée et surentraînée, capable à elle seule de remporter tous les combats. Une force essentielle à la pérennité d'un gouvernement et à la protection de ses acquis. Eh bien, c'est normal. Hein? On a beau faire tous les moyens du monde côté communication. Si on reçoit une bombe sur la tête puis on meurt, on peut plus parler. Ben. Exactement. Mais aussi, on sait que la plupart des coups d'État dans les pays où est-ce que ça se produit régulièrement viennent souvent des plus hauts placés de l'armée vis-à-vis des membres du gouvernement officiel. Donc, le général qui dirige l'armée va décider de prendre le contrôle du gouvernement, de tasser le président et de devenir lui-même président. Et là, se retrouve en contrôle du pays et en contrôle des forces armées du même coup. Donc, ça fonctionne assez bien. Ça va bien dans ce temps-là. Exactement. Personne n'est devant nous pour nous brimer ou pour nous empêcher de faire les mouvements qu'on veut. Exactement. Et c'est là qu'on voit que notre liberté commence ou finit là où commence ou finit celle des autres. Tout à fait. Donc, les 5 règles à suivre pour sauver une dictature. Ça peut être pratique, hein, quand c'était, même. C'était très intéressant. Comme ça, ça m'a beaucoup informé. Si j'ai une dictature plus tard, je vais être très efficace. Mais finalement, c'est beaucoup communication. Exactement. Beaucoup si de communication. Un peu de poigne. Un peu de poigne assez solide. Et puis, on va y aller avec une petite dernière avant de poursuivre en musique. Eh bien, celle-là, beaucoup plus légère. C'est un couple, donc, maintenant heureux, qui passe 5 heures sous terre après une chute de 20 mètres dans un trou. Aïe, aïe, aïe, 20 mètres, c'est quand même une bonne chute. Oui, c'est une bonne chute. C'est Robert et Viviane qui se souviendront de cette chute. Ça se passe à Fême, dans la province de Liège, en Belgique. Oh. Vendredi soir, vers 20h30, Robert, un ami de la famille, va dans le jardin quand tout à coup, le sol se dérobe sous ses pieds. En un instant, il se retrouve sous terre à 20 mètres de profondeur, au fond d'un trou d'environ 1 mètre de diamètre. Ah, c'est un tube, finalement. C'est comme un ancien puits ou quelque chose. Là. Exactement. Robert a beau crier, mais personne ne l'entend. Au bout d'une demi-heure, Viviane, sa compagne, s'inquiète un peu et décide d'aller voir ce qui se fait dehors. Elle sort dans le jardin et tombe à son tour dans le trou. Oh non! Ça va pas bien. Ah, ça va pas bien. Et voilà donc notre couple entassé dans le trou à crier ensemble à l'aide, mais personne ne les entend. Finalement, au bout d'une heure, c'est leur fille qui, elle, plus prudente, a constaté leur disparition et surtout leur présence au fond du dit trou. Ah bon, comme ça, elle a pu alerter les secours. Exactement. Ils sont arrivés pour sauver les deux malheureux qui étaient quasiment indemnes après avoir passé quand même 5 heures sous terre. Et on apprend que le trou serait, semble-t-il, la présence d'une ancienne mine de phosphate située dans le jardin. Ah oh, oui! Oh. C'est ça, les vieux pays, quand même. C'est intéressant. Il y a eu des vies avant nous, dans notre jardin, des fois. Exactement. Et là, soudainement, le sol se dérobe sous leurs pieds comme dans un conte digne d'Alice au Pays des Merveilles. Tout à fait. Mais il n'y avait pas de lapin ni de pilule pour les faire rapetisser. Dommage. Mais Danny, ça me rappelle une blague très amusante que j'ai déjà entendue. C'est un francophone, un anglophone puis un niaiseux qui sont assis les trois au bar, OK? Oui. Et puis là, ils sont en train de boire. Mais là, bon, il y a le francophone qui se lève parce qu'il a envie de pipi. Fait qu'il demande au barman où sont les toilettes. Le barman chemin, il indique les toilettes au fond du bar, mais il dit attention, en chemin, il y a un trou dans le plancher, pas tomber dans le trou. Mais là, trop ivre, le francophone tombe au fond du trou. Et là, c'est au tour de l'anglophone d'avoir envie d'aller au petit coin. Il demande les mêmes indications, mais bon, le barman lui répond en anglais. Attention au trou. Attention au trou. Mais là, l'anglophone, trop ivre, tombe à son tour par-dessus le français. Et là, t'as le niaiseux qui a une envie pressante d'aller à la salle de bain. Donc, il demande les indications au barman qui pointe les toilettes dans le fond du bar. Sauf que là, arrivé au trou, il confond le trou avec les toilettes et il commence à s'installer pour... Un deuxième besoin. Oh. Et là, t'as l'anglophone qui voit ça arriver, qui dit « What's that? What's that? » Puis le français, il dit « Ben, c'est pas des dates, c'est de la merde! » Oh. OK. OK. Jeu de mots. Ben, c'est une bonne blague. Ah, oh, c'est une bonne blague. C'est une bonne... Merci, merci. Ça me fait plaisir. Choum tout. OK. Ça nous prendrait le punch. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Stéphanie Gagné qui est avec nous pour sa chronique Ton plat favori. Ça, hey! C'est le cœur du moment. Salut! Ouais, tu peux pas chialer que je parle pas avant l'intro parce que je parle déjà. Fait que là, j'ai parlé avant mon intro. Ah, mais ça compte pas pour tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment qui sont peut-être un autre jour. Pas grave. Il y a juste moi qui pense à ça. Ouais. C'est bon. Donc, Stéphanie, quoi de neuf? Qu'est-ce que t'as aimé cette semaine en termes de cœur, disons? De d'amour. Ouais, c'est ça. Mais comment d'amour et d'eau fraîche. Le cœur, c'est un comment t'appelles ça? Un organe. Un organe, évidemment. Donc, en matière d'organe, qu'est-ce que j'ai aimé? Ouais, genre. En fait, c'est un film que j'ai écouté durant le temps des fêtes. Donc, je vous avais dit que j'avais écouté pas mal de films ces temps-ci. Ouais. Fait que mes chroniques vont pas mal tourner autour de ça. Et c'est encore une comédie romantique, bien drôle. Non. Ah. Oui. C'est Going the Distance avec Drew Barrymore et Justin Long. Pas Drew Barrymore. Oui. Justin Long, c'est le gars des pubs d'Apple, ça. Oui. C'est pour ça que je l'aime bien. Ouais. Ben oui, c'est sur un fond blanc, là. Ouais. Les deux gars, là. Celui en suit. Ouais, puis l'autre plus jeune et hip. Non, c'est bon. C'est Justin Long. C'est Justin Long. Et bref, le film, c'est à propos d'un couple qui sont à distance. Ben là, les difficultés du couple à distance. Mais là, ça, c'est pas ce qu'il y a de le fun du film. Ce qui est fun, c'est qu'il y a vraiment là, pas de censure. Du moins, je l'ai écouté en anglais. Je sais pas si en français, ils ont traduit ça autrement. Mais vraiment, là, ça sacre, ça utilise tout plein de mots assez débiles. Sexuel? C'est très, très sexuel. C'est okay. Vraiment drôle, là. C'est vraiment comique. Et maintenant, on voit Justin Long nu. C'est pas juste si pour ça, ça vaut la peine, c'est ça, non? Non, mais non, c'est pas pour ça. C'est okay. Juste pour le principe qu'on s'attend pas à ça quand on écoute ce film-là du tout. On s'attend à une petite comédie romantique naïve et saine d'esprit. Et finalement, c'est pas ça du tout. Fait que j'ai bien aimé ce film-là. Et surtout, la trame sonore, encore une fois, là, ce film-là est super bonne. Il y a The Boxer Rebellion, qui est un groupe que j'ai découvert grâce à ce film-là et qui est vraiment excellent. Il y a Cat Power, Band of Skulls, Passion Pit et The Replacements. The Replacements, c'est un groupe des années 80 que j'adore. Une de mes chansons préférées faites par eux. Et c'est la chanson qui joue dans le film, Here Comes the Regular. Je pensais qu'il n'y a personne d'autre dans la vie qui connaissait cette chanson-là. Et là, je me suis levée en criant en plein milieu du film. C'était pas au cinéma, là, au moins. Ah, phew! J'étais comme, oh mon Dieu, c'est ma toune! Je capotais, je pensais que j'étais toute seule à connaître ça. Tu les écoutes tout seul, tes films, ou... Non, j'étais avec des amis. OK. Parce sinon, tout seul dans ton salon. Oh mon Dieu! Non, mes amis m'ont regardé, qu'est-ce qu'il y a? J'étais comme, c'est ma toune! Puis là, ils trouvaient ça un peu bizarre. J'étais comme, je pensais que personne connaissait cette chanson-là. Les autres ont tout fait ça quand ils ont vu Justin Long tout nu, mais c'était « Ah, c'est la tour des Replacements! » Exactement. Et il y a aussi une pièce, c'est de The Cure. Alors, vous savez comment j'aime les années 80. Alors, c'est évidemment une chanson de The Cure qu'on va entendre. T'aimes les années 80, toi? Ouais, un petit peu. Ah oui? Ouais. Eh ben. Et la chanson qu'on va écouter date de ces années-là, c'est la pièce « Just Like Heaven » de The Cure. Dans le bloc, ton plat favori. Des fois, il y a un délai sur l'ordinateur, c'est normal. Ah, c'est fou. Ouais. The Cure avec Just Like Heaven de la trame sonore de Going the Distance avec Drew Barrymore et Justin Long. Ben oui, on le voit tout nu. Ouais. C'est ce que j'ai retenu. c'est le bloc ton plat favori de Stéphanie Gagné. Merci pour ton choix. Comme Merci toujours, Steph. J'ai mon dessert pour accompagner. Oui, la semaine passée, il n'y en a pas eu. Non, donc je l'amène cette semaine. Il est encore bon. Je pense qu'il est encore bon. Tu as préparé quelque chose, ces petites crudités, toi, non? Non? Oui, mais là, je sais pas si on va avoir le temps, si on veut parler à Nicolas Ducharme. OK, ben, je vais me dépêcher de bord. Guster, c'est mon dessert. J'ai entendu ça à Conan il y a quelques semaines de ça. J'ai vraiment aimé la pièce Do You Love Me? Un groupe qui existe depuis très longtemps et apparemment qui a eu du succès dans une certaine période des années 90, peut-être un petit peu, mais pas énormément parce que moi, en tout cas, je me rappelle pas. Ça me dirait, mais peut-être si j'entendais une chanson des années 90, peut-être que je reconnaîtrais. Peut-être. Donc voici Guster et Do You Love Me au 89.1 FM. C'est assemblage requis. Ah, c'est fou. Dans vos oreilles. Genre. We were young, 21, all those years ago. In came the fascination, everything was out of control. La formation Guster et la pièce Do You Love Me, c'est sur leur nouvel album Easy Wonderful qui date de l'année passée, 2010. Ça me fait penser un peu à du vieux Spoon, ouais. Des affaires comme ça. Mm-hmm, t'as envie de te coucher avec? Pas Spoon dans ce sens-là. Ah, Spoon comme le groupe. Ah, c'était mon dessert à moi en réponse à vos plats favoris de Stéphanie. Et comme toujours, la réponse de François-Olivier à mon dessert à Stéphanie, c'est les crudités. Oui, mais là, je voulais envoyer peut-être une pièce de Tiny, mais c'est extra doux, puis en fait, on l'a pas trouvé. Mais je vais Vous savez tout maintenant. The Lost Patrol avec la pièce All Right. Ça bouge un peu, c'est très bon. Je pense que vous allez aimer ça. Shiny, she was ready to glow. While you were running, she was moving to Soho. And when you stayed, she was ready to go. And I know what to know, but all you needed was to say goodbye. And I say and I pray, cause love will never walk away. Cause I'll do anything to make you feel that it's so. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Page de science avec Dr. Régis Ollery. Bonjour, Monsieur Olry. Bonjour tout le monde. Ça bonjour. Va bien? Bonne année. Oui, c'est, bonne c'est année. La première de l'année, mais ça fait longtemps. Fait. Là, on est quoi? On s'était vu quelques fois. On s'est croisés, mais pas derrière les micros. Là. Non, et bonne année à toi aussi. Et puis, on va essayer de développer plein de projets qui passionneront les 4 millions d'auditeurs. Ben oui, oui, oui, je te souhaite tout, la santé et tout après, parce que tu en as besoin pour tout ce que tu as à faire. Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, de quoi on parle? Je le sais, mais de quoi on parle maintenant? Ah, on parle un petit peu de mathématiques. Oui. C'est un bouquin écrit par un mathématicien anglais, Ian Stewart. C'est un monsieur qui est né en 45, donc il a un âge respectable. L'âge à mon père. C'est ça, c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. En plus, il est membre de la Société Royale depuis une dizaine d'années. Puis ça, c'est l'espèce de consécration. À partir de là, tu peux dire tout ce que tu veux, ou presque, on ne te contredira plus. Alors, c'est un livre qui est traduit de l'anglais et qui s'appelle « Mon cabinet de curiosité mathématique ». Ce n'est pas le premier bouquin que cet auteur écrit. Là, il s'est toujours passionné pour les anecdotes de mathématiques. Et dans ce bouquin, il y a 178 sujets abordés. Ça peut être des problèmes avec les réponses à la fin, ou alors c'est une réflexion, simplement, sans qu'il y ait besoin de réponse. On n'a pas de réponse. C'est ça, c'est simplement de l'information pour savoir pourquoi il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Bon, là, évidemment, il explique un peu ce qu'il pense, parce qu'il n'y a pas de certitude. OK, on ne le sait pas. Et pourquoi il n'y a pas de... Est-ce que tu le sais, Régis? Non, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses qui ont couru, mais qui ne tiennent pas debout. Il y a beaucoup de légendes urbaines là-dessus. Nobel aurait été trompé par un mathématicien dont sa femme s'était prise. En fait, c'est pas vrai du tout. Non, ça fait partie des bruits qui circulent. Mais on y trouve vraiment... C'est le genre de livre de chevet. Parce que c'est très court, hein, 178 questions. Et c'est pas quelque chose qui suit, dans le fond, c'est toutes des articles. Tu peux prendre dans n'importe quel ordre. Tu peux ouvrir ça, bien, puis le à côté des toilettes, là. Ouais, c'est ce que je m'en allais dire, c'est un bon livre pour les toilettes. Tout à fait, tout à fait. Et il y a vraiment des choses qui sont très passionnantes là-dedans. Hein. On apprend, par exemple, on parlait hier, justement, à Radio-Canada, découverte du nombre d'or. Alors là, il en parle beaucoup, il explique un petit peu ce qu'il faut en penser. Il reprend d'ailleurs le même exemple du Nautil qu'on a vu hier à découverte et qui ne correspond pas. Ça ne correspond pas, exactement. Pas, non, qui ne correspond pas à cela. On y apprend aussi des choses qui sont vraiment, qui relèvent de l'anecdote. Il y a un Américain, en 1994, qui s'appelle Roger Schlafly, qui a breveté la découverte de deux nombres premiers. Okay. Gigantesques. Et il a réussi à obtenir un brevet pour ça, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser ces nombres premiers sans son autorisation. Okay. Alors, il a fait ça exprès pour montrer le ridicule du système des brevets. Là. L'auteur explique beaucoup toutes les pérégrinations pour trouver la valeur de pi, ce fameux pi, là, avec des formules, mais alors à coucher dehors. Mais peu importe, c'est anecdotique, puis c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce que ça amène la mathématique dans la vie un peu de tous les jours. Oui, tout c'est à ça fait. Qui est intéressant. Tout à fait. Et puis même si on ne comprend pas le détail exactement. De ce qu'il explique, peu importe, c'est expliqué quand même. Là. Il nous rappelle aussi la très fameuse conjecture de Goldbach qui n'est toujours pas répondue. Il y a $1 million par la fondation Clay dans le Massachusetts pour celui ou celle qui va répondre, qui va démontrer cette conjecture. Ça fait 250 ans. Qu'elle a été proposée. Et pour l'instant, on n'a jamais réussi à démontrer qu'elle est vraie au-delà de 10 puissance 18. Okay. Il y a des gens qui ont réussi à démontrer qu'elle est vraie jusque-là, mais on ne sait pas après. Mais c'est quoi cette conjecture? Elle est toute simple, en fait. Okay. Là, je l'ai écrite ici pour être sûr de la dire dans l'ordre. Tout nombre entier pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. On s'attend que c'est pas... Ça paraît ça pas... Ça semble bon. Simple. Oui, ben ça fait 250 ans que les gens se cassent les dents là-dessus. Et on a réussi à démontrer que jusqu'à N égale 1000 milliards, c'est vrai. OK. Mais on ne sait pas au-delà. Après, donc, le million, c'est pas pour lui. Il faudrait démontrer ça tout le temps. OK. Alors, en fait, c'est un livre qui est intéressant. C'est sûr qu'il y a, de tout niveau. Hein. Il y a des choses simples, genre Pythagore, des choses relativement simples, voire simplistes même. Il y en a d'autres, là, comme l'hypothèse de Riemann, à laquelle personne n'a encore réussi à répondre non plus. C'est quoi cette hypothèse? Laquelle... Oh, je ne suis même pas capable de la résumer en quelques mots. Okay. C'est un capharnaüm épouvantable. C'est un des 7 problèmes mathématiques pour lesquels l'Institut Clay donne $1 million si on réussit à le résoudre. Un autre. Un autre, il y en a 7. C'est payant. Oui, c'est payant les mathématiques, mais sauf qu'il faut être capable d'y répondre. Oui, c'est ça le problème. Donc, je trouve que c'est un bon livre... ce qui nous échappe, on le laisse tomber, puis c'est tout. Comme c'est des petits bouts, on peut prendre dans n'importe quel sens. très bonne lecture pour se cultiver un peu. Ben, merci beaucoup, Régis. De rien. Mais merci beaucoup. On a déjà le livre pour le prochain mois, mais on garde ça sous silence. C'est un secret. Un secret. Merci, et puis on te réécoute. On t'est toujours bienvenu. À bientôt. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. C'est toi. C'est toi. Rapidement. Wow, 5 minutes. Max. C'est un fait, la chronique des choses véritables, véridiques et vérifiables. D'habitude, c'est pas dans cet ordre-là, mais quand même, ça compte. François, je vais t'apprendre des choses, tu vas me dire si c'est intéressant ou pas. Et on commence en 1938. Joe Shuster et Jerry Siegel ont vendu tous les droits du personnage de Superman à leur éditeur pour $130 en argent. T'as pas quoi, c'est pas beaucoup? Non, disons que c'est pas eux qui ont fait l'argent. Non, non, non, non. Selon un sondage de 2001, on va commencer, je vais recommencer ça. Pittsburgh, appelle-moi Pittsburgh. P-I-T-T-S-B-U-R-G-H. Ben bravo François, tu l'as. Tu l'as. Mais en 2001, selon un sondage, Pittsburgh, avec un H, oui, était le nom de ville le moins bien éplé, dans le fond, le plus mal éplé, si on veut, aux États-Unis. Pittsburgh, les gens oubliaient le H. Ah. Eh ben, non, t'as raison, c'est bien. Savais-tu que l'année de chaque épisode, d'enregistrement de chaque épisode de That 70 Show, ou 70, là, l'émission de télé, là, peut être déterminée en regardant les plaques sur la Vista Cruiser de Eric, Eric, le personnage principal, pendant le générique d'ouverture et de fermeture? Oui. Oh oui. Vu que la série ne devait pas être diffusée très très longtemps, ça devait être une série très courte. Au début, elle se passait en mai 1976. Ensuite, ils ont transitionné à 1977 après seulement 12 épisodes. Ce qui a commencé à créer des problèmes parce que les acteurs de l'émission étaient tous dans la vingtaine avancée après 5 saisons, mais aussi parce que les scripteurs avaient seulement 3 années avec lesquels travailler pour que l'émission s'appelle That 70s Show. Hein? Hein? Il y a eu une émission qui s'appelait That 80s Show qui a duré même pas une saison, que moi j'aimais qu'est-ce bien. Est-ce qu'elle est même? Non, du tout. Complètement une autre bande de personnages qui travaillaient à différents endroits, là, dont un magasin de disques. Moi j'aimais bien cette émission-là, mais ça n'a pas duré très longtemps. Bref, le dernier épisode de That 70s Show se termine avec une plaque avec l'étiquette 80 dessus, juste pour cet épisode-là. Parce que c'était la fin de la décennie et de l'émission. C'est joli. Tu connais le Machine Does? Oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Oui, ben il y avait un roman sur lequel c'était basé, dans le fond. Et Dorothée, dans le roman, portait des souliers argentés au lieu de rouges. Tu sais, on se rappelle tous des souliers rouges. Mm-hmm. Dans le Machine d'Oz. Bref, la couleur des souliers a été changée d'argent à rubis, oui, par le screenwriter ou la personne qui a écrit le film, là, Noel Langley, pour pouvoir tirer le plus profit possible de la nouvelle technologie Technicolor, les couleurs, voilà. Donc, il essayait de trouver une paire appropriée pour le film et le département des costumes du Machine d'Oz ont essayé plusieurs paires de souliers. Celle qui avait l'air la plus impressionnante à l'écran, c'était du rouge très, très flash. Ça a coûté environ $15 pour fabriquer les souliers. Maintenant, ces souliers-là sont dans un... Oh non, ont été oubliés dans un storage room, là, genre de place où on met des affaires. Ouais, en storage, finalement, comme on dit. Chez MGM pendant plusieurs années. On estime que 6 à 10 paires ont été produites. Seulement 4 restent maintenant. Voilà. Puis, c'est ça. Des souliers de Dorothée dans le Machine d'Oz. IKEA, les magasins, tu sais, qui sont tous faits en genre de labyrinthe, les IKEA. Tu sais, quand tu promènes, ouais, tu peux vraiment suivre un chemin. Ouais, ouais. On dit que c'est fait en forme de labyrinthe pour empêcher les gens de partir. Ben, c'est ce que tu penses aussi? Oui, oui, vraiment. Ouais. Ben, IKEA s'en défend. La théorie, évidemment, derrière le design, c'est que plus longtemps, plus un client reste à l'intérieur du magasin, plus ils vont voir de meubles, donc plus d'affaires ils vont acheter. Des fois, c'est tellement confus que des gens achètent des choses juste parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver cette chose-là plus tard. Tellement que tu dois suivre le chemin, tu dis, bon, ben, je vais l'acheter tout de suite parce que sinon, je ne le reverrai pas. Puis là, je ne sais pas où le mettre parce qu'il n'y a pas de place où mettre les articles dans les allées. Parce qu'il n'y a pas de tablette. Bref, une étude d'un magasin à Kent, en Angleterre, a montré que les gens passaient en moyenne 3 heures dans le magasin, IKEA, mais plusieurs restaient au magasin pendant plus de 8 heures. 8 heures? 8 heures. Incroyable. IKEA, évidemment, nie ces intentions-là, dans le fond. Mais c'est sûr que c'est ça, là aussi. Là. C'est pensé. Mais IKEA va dire, il y a des raccourcis. Parce que je sais pas si t'as regardé un plan, il y a des raccourcis une fois de temps en temps. Mais. Ils sont pas évidents, là. Ils sont pas évidents à trouver, les raccourcis, ça c'est clair. Et deux, ils ont rajouté ces raccourcis-là juste à cause des codes pour les pompiers, pour le feu. Parce que les gens doivent pouvoir se sortir du magasin en un temps. Donc c'est pas un raccourci parce qu'on est sympathique. Ah non, c'est ça. C'est par obligation. On est obligé. Voilà. La masturbation, c'est bon pour toi, François? Ben, je savais. Ben, qu'est-ce qu'on dit tous. À travers l'histoire, se faire plaisir a été un sujet très tabou, même que les gens vont nier, même selon des sondages. La plupart des gens se touchent pas. Eh ben, vous êtes tous des menteurs, c'est le fun. Donc, ce genre de comportement a souvent été dénoncé par la communauté médicale, comme de quoi qu'on devrait l'avouer, le dire et partager des conseils, si on veut. Ceux qui sont assez braves pour l'avouer, ben, dans le fond, c'est bien, parce qu'il y a des avantages. C'est un peu ça que ça veut dire. Bref, ça a des bénéfices de santé pour les hommes et pour les femmes. Et ça peut même mener à du meilleur sexe dans le couple. Quand tu te touches. Okay. Mm-hmm. Bon, évidemment, ça soulage le stress. L'autosimulation peut servir comme boost d'énergie et peut améliorer votre humeur. Moi, je trouve pas que c'est gênant de le dire, non. Mais je vois pas l'utilité. Non, c'est ça. Exemple que, Mathieu, tu me dises que tu te touches. À la limite, je m'en fous c'est complètement. Moi aussi, même chose, donc réciproque, et puis on n'en parle plus. Donc, parlons des avantages pour les hommes et pour les femmes. Okay. Ça reste gênant un peu pareil d'en parler. Là. Donc, pour les hommes, fonction immunitaire améliorée. Ça améliore ton système immunitaire. D'accord? Okay. Ça augmente la résistance à l'infection de la prostate et peut mener à une prostate plus en santé, en général. Ben, ça évite peut-être le cancer de la prostate. C'est... Exactement, ça dit que les hommes qui se masturbent plus de 5 fois semaine, comment c'est beaucoup, là, ont un tiers moins de chances de développer un cancer de la prostate. Un tiers! 5 fois par semaine. 33%? À peu près. Pour les femmes, résistance améliorée aux infections vaginales. D'accord. Combattre la tension prémenstruelle et les conditions physiques, par exemple les crampes. Et puis, ça augmente le j'ai de la misère avec ce terme-là, le blood flow, le sang dans les veines. Ouais, ouais, je comprends. C'est, en tout cas, ça augmente le sang qui est amené à la région. La circulation. Voilà ce qui peut soulager les problèmes menstruels et les maux de dos. De dos. Incroyable. Donc, ça doit être même chose, par exemple, pour les hommes. J'imagine que ça doit améliorer la circulation. Fort probablement aussi. C'était pas listé, mais j'avoue que ça a bien du sens comme ça. On va y aller avec un dernier là, par manque de temps. Savais-tu que la couleur orange a été nommée d'après le fruit? Et non pas le fruit nommé d'après la couleur. Ah, c'est le fun, ça. C'est vrai. Avant, dans le bon vieux temps, les gens qui parlaient en anglais appelaient la couleur orange géolourette. Géolourette. Ce qui, lorsque traduit, veut dire jaune-rouge. C'était jaune-rouge, la couleur. Orange mélangé ensemble, les couleurs, puis tout ça. Donc, le mot orange lui-même vient du mot espagnol naranja. Naranja. Ce qui, lui, vient du mot sanskrit naranga, qui veut dire... arbre d'orange, orange tree, ou est-ce qu'un orangier, je sais pas si ça se dit, un arbre d'orange, voilà. Avec le temps, les anglophones ont lâché le N là, complètement, et puis le mot s'est transformé en orange. Le mot a aussi été appliqué à la couleur du fruit dans les années 1540 à cause de la popularité des oranges à ce moment-là. Donc ensuite, on a comme donné le mot orange au fruit, l'orange. Voilà. Hein? Merci, Matt. Fait plaisir. Et puis, c'est tout pour la chronique. C'est un fait. Il y en aura une autre, évidemment, à l'émission de demain. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Hein, c'est-tu pas assez beau et magistral? Magnifique, je n'osais prendre la parole tellement cette musique vaporeuse me transporte, Danny. On remercie les amis au Pakistan pour cette pièce. Oui, les amis au Pakistan qui ont toujours des atmosphères assez intéressantes à présenter. Aujourd'hui, de quoi on parle dans ton segment de cuisse, Charles-André? Aujourd'hui, on parle de littérature et on découvre un auteur véritablement fascinant. J'ai nommé André Malraux. André Malraux est né à Paris le 3 novembre 1901 et est mort à Créteil le 23 novembre 1976. De son nom complet, Georges-André Malraux, c'est un écrivain, un aventurier et un homme politique français. Essentiellement autodidacte et tenté par l'aventure, André Malraux gagne l'Indochine où il participe à un journal anticolonialiste et est emprisonné en 1923 jusqu'en 1924 pour trafic d'antiquités khmères. Revenu en France, il transpose cette aventure dans son roman La Voix royale, publié en 1930, et atteint la célébrité avec la parution en 1933 de La condition humaine, un roman d'aventure et d'engagement qui s'inspire des soubresauts de la Chine et qui obtient le prix Goncourt. Hey, Charles-André, comme ça, c'est, je trouve ça quand même assez drôle. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment écrire ça dans notre CV, aventurier. Exactement. En 1900, il y a peut-être seulement chose, là, le gars de chez Virgin, là, qui lui peut se dire aventurier, mais de nos jours, c'est assez rare qu'on a ça dans notre CV. C'est vrai. J'aimerais mettre ça, aventurier. C'est bien de le souligner. Sinon, il y avait Steve Irwin là, qui, ben oui. Qui empoignait des serpents dangereux et qui a malheureusement été tué par une carpe. Une raie, pardon. Le dard d'une raie, oui. Oui, donc, qui était un genre de Crocodile Dundee des temps modernes, qui était vraiment intéressant. Steve Irwin, ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai appris sa mort, mais ça m'a pas beaucoup surpris. Non, c'est sûr. Quand tu joues avec le feu, mon nez, tu te brûles. Exactement. Ça peut arriver. Je te laisse poursuivre. Oui, désolé. Donc, on parlait de André Malraux. C'est un militant antifasciste. Il combat en 1936-1937 aux côtés des républicains espagnols. Son engagement le conduit à écrire son roman L'Espoir, publié en décembre 1937 et en tournée une adaptation filmée Espoir Sierra de Teruel en 1938. Il rejoint la résistance en mars 1944 et participe au combat lors de la libération de la France. Après la guerre, il s'attache à la personne du général de Gaulle, joue un rôle politique au RPF et devient, après le retour au pouvoir du général de Gaulle, ministre de la Culture de 1959 à 1969. Il écrit alors de nombreux ouvrages sur l'art, comme Le Musée imaginaire ou Les Voix du silence en 1951, et prononce des oraisons funèbres mémorables, comme lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon le 19 décembre 1961. En 1996, pour le 20e anniversaire de sa mort survenu le 23 décembre 1976, ce sont les cendres de Malraux qui sont à leur tour transférées au Panthéon. Wow. Donc voilà le CV de André Malraux. Quand même, c'est pas rien. Non, vraiment pas. Un monsieur. Exactement. Et bon, je vous ai parlé précédemment de son roman La Voix royale qui était inspiré de ses aventures en Indochine. C'est de ce roman-là que je parle aujourd'hui, qui est un roman qui m'avait vraiment fasciné, qui m'avait bouleversé même de par sa nature sauvage et exotique, je dirais. C'est vraiment un récit qui est très sensuel et très coloré, je dirais. Ça m'avait beaucoup plu. En fait, c'est paru en 1930 aux éditions Grasset et ayant reçu la même année le prix interallié de l'histoire. La trame se déroule en Asie du Sud-Est à l'époque coloniale. Les personnages partent en expédition dans la jungle le long de l'ancienne voie royale. L'un cherche d'abord des objets monnayables, l'autre veut retrouver une vieille connaissance disparue. Le roman trouve son inspiration dans la mésaventure que connut Malraux au protectorat français du Cambodge. Parti au Cambodge en 1923, il est arrêté et condamné à la prison ferme, puis avec sursis pour avoir tenté de s'emparer de bas-relief du temple de Ban Tesray à Angkor. Et donc, les personnages sont Claude Vanek, jeune archéologue breton, et le vieux Perken, un Danois qui a plus d'expérience. Ils sont non-conformistes, ils veulent coopérer pour réaliser leur rêve, voler des reliefs et trouver l'aventurier Grabo, un aventurier qui a disparu. Ils peuvent voler les reliefs, mais leur guide les abandonne. Ils se trouvent dans la jungle sans la connaître. Et puis, parce qu'ils ne veulent pas rencontrer le gouvernement, ils marchent dans un territoire incontrôlé, le territoire des Moïse. Il est aussi dangereux, mais également la région qu'il suppose d'être le lieu de séjour de Grabo. Et c'est donc d'aventure en aventure que vont nos deux protagonistes pour finalement arriver à partager toutes sortes d'impressions sur la vie, sur les femmes, sur les relations interpersonnelles. Et c'est ce qui fait de ce roman-là un roman profondément philosophique et touchant. Je vous suggère fortement de lire ça si vous êtes amateur de lecture. Si vous n'êtes pas amateur de lecture, ce n'est peut-être pas un roman avec lequel commencer, mais je tiens à dire que c'est néanmoins accessible. Ça me semble que ça ferait un merveilleux film aussi. Oui, ben en fait, déjà été adapté. Il y a eu des adaptations, mais je pense que c'était plus des spin-offs là, ou okay. des adaptations pour la télévision. Mais je pense pas qu'il y ait eu de longs métrages. Un vrai en tant beau que tel. Long métrage avec du budget là, ça serait vraiment intéressant. Ça je serait pense. Vraiment intéressant, mais bon, on sait que ces temps-ci, Hollywood est plutôt occupé à refaire des films qu'ils ont déjà faits et non à adapter de nouvelles choses pour le cinéma. Donc, mais tu lances une excellente idée, Dan. années. Ça serait bien, en tout cas, parce que c'est une histoire que j'aimerais voir les images dans les temples d'Angkor et tout ça. Ça serait magnifique. Oui, d'ailleurs, tu m'avais déjà prêté une revue sur la reconstitution d'un des temples de cette région-là. Et c'était un article qui était véritablement intéressant dans une revue de science là, qui t'appartenait. Et je l'ai lu et relu, cet article-là, étant donné, je veux dire, tout le côté mystique et magique qui se dégage de ces coins-là. Ces ruines-là. Exactement. Donc, l'Asie qui m'a toujours semblé très mystérieuse, très exotique, très intéressante. Et elle l'est, je crois. J'ai jamais eu la chance encore de voyager en Asie, mais bon, peut-être un jour. Peut-être un jour, on l'espère. Et sinon, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus occidental. Ça va être la chronique du rock alphabétique. Et aujourd'hui, je vous présente une pièce interdite. Parce que bon, on sait qu'on s'est quitté mercredi passé avec une pièce de la formation Dio qui emprunte son nom au leader et chanteur de la formation Ronnie James Dio, qui est malheureusement décédé l'année passée. On passe de Dio... en ordre alphabétique, qu'est-ce qu'on trouve après? Ben, D.I. encore. Oui, on va avec Dire Straits et leur pièce interdite Money for Nothing. Et je l'ai aujourd'hui trouvé en version intégrale pour vous. Donc, appréciez-la parce que vous l'entendrez peut-être plus souvent à la radio étant donné son interdiction par des bien-pensants. On écoute ça à l'instant. Restez sur les ondes du 89.1, une longue pièce musicale de 8 minutes. Et puis au retour, on a des nouvelles et du gréement. Tout à fait. Vous êtes dans le Dîner de cons jusqu'à 13h. that Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Toujours quelque chose. Il y a toujours. Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de mettre de bonnes joies. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de moi, t'as pas joué. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud. Sans qu'il trop tard, sans qu'il trop tôt. Ben, comme je le disais, comme les choristes l'ont dit ensuite, tout le temps de quoi, François? Tu sais, dans Windows, hein, parce que bon, je suis geek, tu le sais, je m'assume là-dedans pleinement. Oui. Est-ce que t'es un petit peu geek? Est-ce que tu te considères geek un peu? Non, du tout. Du tout, en fait? Du tout. Plus un sportif, un jock. Non, mais je suis pas. Écoute, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la technologie, mais je sens que j'en tire pas le plein potentiel, mais on dirait que ça me dérange pas non plus. Tu sais, je te donne un exemple, en fait, j'ai un iPhone. Ouais, j'aime ça, ça va bien, mais tu sais, j'apprends encore des trucs que je savais pas que je pouvais faire. Ouais. Puis tu pourrais t'en passer peut-être, non? Ben, ça serait plus difficile là parce que je vais avoir mes courriels et ça, j'adore ça. Je suis aux toilettes, je fais un numéro 2, je suis capable d'aller voir mes courriels. Tu sais, Mathieu Plante, c'est ça la vie maintenant. Donc, je me rappelle qu'il faudrait pas que je t'écrive de courriel de ma vie, c'est bien. Ah, je t'ai déjà lu en été. Donc, ben justement, vu que t'es pas geek comme moi, peut-être que ça va te toucher plus comme sujet en tant que geek. Balance-moi la sauce. Tu sais, dans Windows XP ou n'importe quel Windows, quand tu changes de fenêtre dans Explorateur Windows, t'as tout le temps un clic. Tu sais, le clic. Ça t'a jamais gossé? Répète, j'ai pas compris. Change, mettons, tu ouvres poste de travail, tu ouvres un disque dur, ensuite tu vas dans un dossier, ensuite tu vas dans un autre dossier. À chaque fois, ça fait clic, clic, clic. Ah, ok, ok, tu parles du son. Ouais. Pourquoi un clic? Je veux dire, regarde, ma souris, là. Elle clique déjà dans la vie, là, ma souris. On s'entend. On l'entend-tu? On l'entend, ma souris, là? Est-ce qu'on l'entend? Parce qu'on va dire les vraies affaires, là. Une souris fait déjà un clic. Pourquoi tu rajoutes un clic dans Windows, là? Moi, ça, je la comprends pas, là. Ah, je sais pas. Je la comprends pas. C'est comme si, à chaque fois que tu tapais sur Internet, OK, sur les différents Internet, ça faisait attac, attac, attac, attac, attac, attac, attac, attac, attac, attac, attac. T'as comme une machine à écrire, ça serait très cool. Bonne idée. Ben, merci, mais ça existe déjà, le pire. Mais c'est ça, c'est pas une fonction de base. Hein? Tu sais? Mettons sur un iPhone, OK? On remet ça en perspective. Okay? Mais ça le fait, ça. Ben exactement. T'es sur un iPhone, ça le fait. Pourquoi est-ce que ça le fait? Est-ce que t'as déjà réfléchi à pourquoi est-ce que ça fait ça? Ben, c'est sûr que c'est tactile. C'est tactile, exactement. Donc, il faut que tu saches, t'as pas de feedback. Tu sais pas quand est-ce que t'as bien pesé sur la touche. Donc, d'avoir un clic, ça aide. Tu peux le désactiver, d'ailleurs, ce clic-là. Okay? Ah, je sais pas. Tu peux? Veux-tu que j'apprenne des choses? Je t'en apprendrai à tous les jours, à Toyota. Donc, sur l'ordinateur, t'as pas besoin parce que t'as un feedback. Tu sais tes touches sont où, puis tu sais quand que ça pèse parce que tu pèses dessus. T'sais. Ta souris, tu le sens. Que tu cliques en ce moment-là. C'est ça. À un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Faut pas gêner là, dans la vie. Là. Ouais, ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je pense peut-être à ma grand-mère qui, elle, a beaucoup de misère. Elle va pas vite en partant son ordinateur et peut-être que le clic la rassure. Ah, peut-être. Peut-être, mais je sais pas. Ouais. Ben, cela étant dit, tu peux désactiver quand même le clic au moins dans le changement de fenêtre dans Windows. Ah, ben, sacré. Mais une autre désolé, chose. Désolé, je prends l'occasion pour m'excuser au public. De l'autre côté, ce qui me dérange aussi dans Windows, c'est pourquoi est-ce que quand t'allumes ton ordinateur, t'as besoin d'une petite musique d'accueil, OK? Et quand tu l'éteins, t'as aussi besoin d'une musique d'au revoir. C'est comme de quoi qu'il faut que tu restes devant ton ordinateur pour t'assurer qu'il s'est vraiment fermé. Parce que sinon, tu pourrais pas faire confiance à ton ordi puis te dire, ah, ben peut-être que, tu sais, je l'ai mal fermé. J'ai peut-être mal cliqué sur arrêter et puis sur OK. Et êtes-vous vraiment certain de vouloir fermer l'ordinateur? Et vraiment, deuxième chance, dernière chance, t'es sûr? Après ça, mais encore là, tu sais, t'as des haut-parleurs, tu peux les fermer. Oui, mais des fois, t'oublies de les fermer. Des fois, t'es mis très, très haut parce que t'es sur YouTube et il y a une vidéo qui joue qui n'est vraiment pas fort. Donc, tu montes le volume. Puis là, quand t'es prêt de fermer ton ordinateur... Ben, au moins, tu sais. Ah, mes haut-parleurs. Ah, faut que je les ferme. c'est un bonnet de mémoire. Quand ça fait ça, après ça, tu leur fais plus. Non, les sons m'énervent un petit peu partout dans Windows. Puis je trouve que c'est trop omniprésent. Et puis ça, c'est même pas juste sur les PC. Tu sais, je parle de PC, mais c'est sur Mac aussi. Tu sais, le boing quand tu démarres ton ordinateur. Mais au moins sur macOS, je lisais un article là-dessus. Et ça a un rapport avec les diagnostics. Donc s'il se rend jusqu'à l'étape de jouer le son, ça veut déjà dire quelque chose. Quand l'écran est gris, ça veut dire une certaine chose. L'écran est gris avec une pomme, ça veut dire quelque chose. Il devient bleu, ça veut dire quelque chose d'autre. C'est comme des étapes qui arrivent dans le processus d'ouverture d'un ordi. Mais dans Windows, le son est après que Windows soit en train déjà de s'ouvrir. Donc, ton ordi est ouvert pareil. Le son n'est qu'accessoire et n'est que pour te dire « Bonjour, là! » C'est comme ton radio dans ton char qui te dit « Bonjour et au revoir. Ben, » pour ceux qui sont rendus là. Peut-être pas rendus là. Non. Tu dis « Hello, goodbye! » Mais il y en a, c'était vraiment préenregistré. Ah, des voix, là? Oui, oui, dans les Chrysler New Yorker. Écoute, l'année, je sais pas, peut-être 93, peut-être même un peu avant, 90. Mais à moins 30, là, il y avait de l'air possédé, ton auto, là. C'était-tu un 8 pistes qui jouait ça? C'était... Non, non, non, c'était... Puis je pense que t'as portière... Un peu comme dans Elvis Graton, là. OK, genre portière ouverte. Oui. Portière fermée. Oui, mais ça existait. Eh ben. Ben maintenant, à la place... C'est du cliquage de souris. Ouais, mais que tu peux désactiver. Ouais, ben c'est ce qu'il dit. Ah, la corbeille aussi qui m'énerve. Tu sais, pourquoi tu fais... La poubelle, c'est ça que ça fait quand tu viens d'une poubelle. Ben, quand tu jettes quelque chose dans la poubelle, il y a d'autres choses. Ça fait un bruit. Bon, y avait-tu d'autres choses, Mathieu? Parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose, mais à un moment donné, tu te dis, ben, c'est de même, c'est la vie. Life sucks and then you die. And then you die. Oui, j'aime ça. La vie est poche après ça, mais bye bye. Ciao, portière fermée. Ça fait du bien, par exemple. Oh. D'en parler. Parle-moi de quoi. Raconte-moi une histoire, Mathieu. Ben, c'est à peu près ça, mon histoire. Hein? Non, mais un autre. Une autre histoire. Ouais. Ah ouais. Vas-y, comme ça. Je sais pas. Vas-y, vas-y. Moi? Ouais. Ouais, bon. Ben, je nettoie mon ordinateur à toutes les semaines. Ça paraît-tu? Il est beau? Non. Hein? Regarde ma pomme. Ma pomme est toute. Ma pomme est... Non, je vois pas. Tu pourrais la manger, ma pomme. Tu pourrais manger ma pomme. Elle est pas allumée? Non. Elle est pas allumée? Hé, hey, hé, on ah, y a elle est allumée. Hé, hey, qu'est-ce que, qu'est-ce que? Non, mais sans blague, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, dans une précédente chronique CNX, c'est la chronique une fois ou deux mois. Ouais. D'ordinateur, puis de... Ouais. À un moment donné, j'avais parlé du fait que j'avais amené mon ordinateur à la réparation. Mm-hmm. Parce que mon lecteur, après ça, bon, ben, dans le fond, il éteignait tout ça. Okay? Puis là, après ça, ben, ils l'ont arrangé. Ah, tu l'as fait réparer. C'est ça. Là, après ça, je suis revenu à la maison. Mon lecteur CD marchait pas parce qu'il a oublié de le brancher. T'sais. Oublié de le brancher. Je suis retourné, ils l'ont branché, là, il marche. Maintenant, mon clavier n'allume plus. Parce que mon clavier est trop éclairé, il n'allume plus. Parce qu'ils ont oublié de le brancher aussi. Ils ont oublié de leur dire. Ouais. Je sais pas, il me semble, je sais qu'il y a beaucoup d'affaires à brancher, mais en même temps, c'est ta job. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu y as pas retourné? Ben, je me dis que c'est pas très important tant que ça. Non? Comparé à un lecteur CD qui me le faut, les touches éclairées, c'est un petit peu accessoire, ça. Mais ouais, si je veux le revendre. Ben, non, mais c'est ça. C'est ça. Tu sais, en fait, moi, j'attendrais pas, là, mais. Non, faudrait que je le fasse bientôt. Ouais. De toute façon, ça doit pas être très, très long. Non, non, c'est l'histoire de ça. Tu peux rester là, peut-être. Ouais, sûrement. J'étais resté là pour le lecteur solidaire. Ah ouais? Ouais. Fait que, voilà mon histoire, c'était le fun, hein? C'est pas super. Avoir su, pour vrai, je t'aurais jamais demandé de raconter une histoire, mais bon, c'est plus désolé. Ton problème que ouais, le mien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah! Bon, ben, on est tous les deux soulagés. Ça va faire, je pense. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Eh bien, je vais parler nourriture. On peut s'acheter des fourmis grillées en vente directement sur Internet. Quand même assez intéressant. C'est un fait, le monde a faim. Et de nouvelles saveurs venant des quatre coins de la planète, on en a faim aussi. Hein? On est toujours intéressé à découvrir la nourriture des voisins. Tout à fait. Eh bien, il ne faut pas pourtant oublier que notre cuisine peut être complètement différente de celle d'un pays à l'autre, même s'ils sont seulement nos voisins. Pour ceux qui sont curieux de nouvelles saveurs et expériences, alors peut-être que cette nouvelle vous enchantera les papilles. Grâce à Internet, maintenant, il y a plusieurs magasins alimentaires. Des Hormiga Culonas, très populaires en Colombie, sont désormais disponibles à la vente partout sur la planète. Il s'agit là de fourmis géantes mesurant 2 cm de long, quand même une bonne fourmi, un pouce. Oui, quand même. De quoi remplir votre estomac. Qui ont été préalablement grillés. Certains experts expliquent qu'il s'agit là d'une nourriture de choix à la fois riche en protéines et pauvre en graisse. La boîte de 25 grammes de ce délicieux mets est vendue pour environ 15 euros. Donc, 15 euros pour 25 grammes de fourmi. Bon, ben c'est bien. En fait, c'est drôle, Danny. Là, ben, moi, sérieusement, ça m'intéresse. Oui, j'imagine les gens qui se disent c'est dégueulasse puis tout, puis bon, j'ai l'impression que ça va être bon. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que ça va être même délicieux. J'ai l'impression aussi. Un petit goût de bacon. Exactement. On va y aller avec ici. Ah, celui-là, c'est un beau con. Il demande 380 000 euros à Facebook après avoir perdu tous ses amis. Pauvre toi. Donc, l'homme en question aurait demandé une indemnisation de 380 000 euros suite à la clôture de son compte sans préavis et à la perte de ses 340 amis Facebook, dont quelques membres de sa famille vivant au Monténégro. Il expliquait avoir perdu également quelques photos qui avaient été mises sur son site. Son profil lui servait juste de moyen de communication et de contact avec sa famille. Son compte aurait été fermé, selon lui, à cause de son origine musulmane. Hey, il y a tellement de... Tu sais, il y en a plein de musulmans là, sur Facebook. Je pense pas que ce soit le problème. C'est peut-être juste toi qui est le problème. Ne voyant pas d'autres explications à la clôture sans préavis de son profil, puisqu'il a estimé n'avoir violé aucun règlement du site, il explique enfin avoir tenté sans succès de contacter Facebook et tous ses essais ont resté sans réponse. Il a donc porté l'affaire devant les tribunaux où il demande un rétablissement de son profil et une indemnisation financière. Moi, je te dirais, fais-toi-en un autre compte, ferme ta gueule. Ben oui, mais d'après toi, Danny, pourquoi est-ce qu'il était fermé? Son compte? Je sais pas. Moi, je dis que ce gars-là, là, il est tellement borné, il a dû tenir des propos qui étaient inacceptables. Exactement. Ça a été rapporté par quelqu'un. Facebook a pris connaissance de la plainte et ils ont agi en conséquence. Exactement. Je pense qu'ils ont bien fait. Donc, puis comme on a dit, t'as juste à t'en ouvrir un autre compte. Là. Ben oui, personne t'empêche de te réinscrire. De toute façon, il n'y a pas d'affaire à poursuivre Facebook pour une décision qu'ils ont prise dans cette nature-là. En fait, lui... tu mets le crochet, là, Facebook, il reste responsable, puis c'est eux qui décident s'ils t'en donnent un compte. Oui, exactement. Mais non seulement ça, mais tu es propriétaire d'aucune façon de ton compte, ni de tes contacts, ni de tes amis, de quoi que ce soit que tu mets en ligne sur Facebook. Il n'y a aucune notion de propriété. Donc, ce gars-là, il n'a rien perdu qui lui appartenait. Il n'y a aucune matière à poursuivre. Tout à fait. Et puis, on va y aller avec une petite dernière avant d'aller en musique. Eh bien, c'est il échappe à des loups grâce à du rock, Charles-André. Oui, j'avais lu la nouvelle sur Internet, mais bon, il s'agit malheureusement du groupe de Creed que je n'aime pas énormément. Ah, mais moi, je trouve pas ça si mal, le Creed, justement. Mais bon, c'est en Norvège, c'est un écolier de 13 ans, Walter M. Krem, qui s'est retrouvé face à 4 loups en sortant de l'école. Il a réussi à les faire fuir en leur faisant écouter du hard rock américain. En agissant ainsi, il a suivi les conseils de ses parents qui l'avaient mis en garde en cas de rencontre du genre. Parce que dans le coin où il habite, il y en a beaucoup de loups. Walter Ekrem a donc combattu le réflexe naturel qui est bien sûr de prendre la fuite face aux animaux. Mais il expliquait dans un autre article que j'ai lu qu'il aurait été incapable de courir. Il était complètement gelé sur place. C'est ce que j'avais lu aussi. Et pour cause, donc, cela les aurait certainement poussés à se lancer à sa poursuite. Parce que les loups, c'est de la façon qu'ils attaquent. C'est quand une bête se sauve. Oui. Ils sautent dans le dos, puis ils l'attaquent, ils le font tomber. Exactement. Donc, au contraire, le jeune garçon a tout fait pour leur faire peur grâce à son téléphone portable. Il a mis la chanson Overcome du groupe Creed, et en plus de cela, le jeune garçon s'est mis à crier, à faire de grands mouvements, de grands gestes pour effrayer les loups, ainsi dissimuler sa peur. Mais le jeune écolier ne se fait pas d'illusions sur ses capacités à donner la frousse aux loups. Il dit « Ils n'ont pas vraiment eu peur de moi, ils sont seulement retournés et... ils ont retourné de bord tranquillement, ils sont partis. » Ils ont renoncé à l'affrontement. Exactement. Il explique néanmoins que la chanson « Rocky » est pour beaucoup dans l'épilogue heureux de cette histoire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Medicine Dyer. Comment? De sentier. Sentier, écrit même moi des fois, je te comprends pas. Sentier, sentier. Sentier. Oui, c'est pareil. Bon, ben c'est Vux 2, Sorter avec moi. Bonjour, Émilie Gauthier. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on parle avec un accent aujourd'hui? Tout le long de la chronique. Oh no. Comme Jack Layton. Veux-tu sortir avec moi qui est ta chronique plein air où tu nous parles de choses à faire à l'extérieur, d'endroits à visiter, à marcher, c'est ça aujourd'hui? Marcher et raquettes. Marcher et raquettes. Donc, tu as 4 places à nous suggérer. Oui. On commence avec la halte camping du lac Clair. Oui, c'est un territoire de 35 km². C'est assez suffisant pour une journée. Qui offre des sentiers en boucle, une forêt mixte composée d'arbres centenaires, puis il y a principalement un pin géant qui se trouve sur la piste de... C'est du Wonder Bread? Pas un pin géant. C'est du gadois. Il est tout mou, tout tendre, fait des belles tombes. Moelleux. Non. Non? Non, c'est pas ça. Moelleux. Non. Pas moelleux. Il est vert, puis il sent bon. Pain vert. L'endroit a été désigné réserve naturelle de la biodiversité par le ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs. Donc, le ministère, d'habitude, ça s'accorde pas ça sur n'importe quelle place. Fait que j'imagine que ça doit être assez beau à aller visiter. Il y a un belvédère qui offre une vue sur les environs. Il y a 15 km pour les raquetteurs et les marcheurs. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil. C'est gratuit, puis c'est environ 50 minutes de Trois-Rivières. On peut se rendre au www.grandepile.qc.ca pour obtenir plus de renseignements. Et t'as des pins géants, des grandes piles, puis t'as un belvédère, fait qu'une toast, puis une cigarette. Ouais. Comme le matin, avec du déjeuner, puis ton... C'est quoi l'autre endroit que je veux parler après, là? C'est le parc Rio-Forestier Saint-Mathieu. Un peu plus grand, c'est un parc d'une superficie de 127 km², qui est vraiment situé au cœur de la forêt laurentienne, donc les Laurentides, qui sont reconnus pour avoir des belles places pour aller marcher. La bière. Je sais pas si ça vient de là. Juste à côté d'O'Keefe. Ok. Puis Wildcat. Ah, mon Dieu. Excuse-moi, Amy. OK. Sur le parc récréo-forestier Saint-Mathieu, il y a 48 lacs, il y a des chutes, des cascades. Les sentiers sont tous situés en montagne, donc c'est peut-être un peu plus pour des gens de type intermédiaire. On a 3 sentiers intermédiaires, 3 sentiers débutants et 3 sentiers avancés. Donc, on a un peu pour tout le monde, mais je le conseillerais peut-être plus à des gens qui sont du type intermédiaire là, de se rendre là. Il y a plusieurs points de vue, un belvédère pour admirer la chaîne de montagne, les lacs, les vallées. Il y a 50 km de sentiers pour les racketeurs et les marcheurs, puis tout le reste du territoire est disponible en hors-piste pour les racketeurs. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil et c'est gratuit. C'est environ 45 minutes pour se rendre à partir de Trois-Rivières. On peut contacter le parc à commercial cgocable.ca pour obtenir plus d'informations. Ouais. On continue avec la pourvoirie Ayapewa. La dernière fois, tu l'avais dit plus indien que ça, là. Ah ouais, moi, des accents... Tu t'étais mis vraiment dedans, là. Ayapewa. I don't know. La pourvoirie là-bas. Le territoire est situé dans la chaîne de montagnes des Laurentides encore, donc c'est pas mal tout dans le même coin encore aujourd'hui. C'est près du lac Sakakomi et de la réserve faunique Mastigouche. Faut dire Mastigouche! J'attendais que tu le dises. Ouais. Sur lesquels, d'ailleurs, on peut avoir des beaux points de vue. Il y a des falaises qui offrent aussi une vue sur les basses Laurentides. Donc, il y a 14,5 km de sentier pour les racketeurs, en plus du hors-piste qui est disponible sur une portion du territoire. Sinon, il y a 9,8 km pour les marcheurs. C'est ouvert de janvier à avril, donc sûrement jusqu'à temps qu'il y ait de la neige, habituellement. Du lever au coucher du soleil, c'est gratuit. C'est environ 50 minutes pour s'y rendre. Et on peut consulter le www.ayapewa.ca. Mais retenez donc assemblagerequis.com et cliquez sur la chronique. Beaucoup plus ça avec moi. Ben c'est ça, à un moment donné, là, des lettres, c'est bien beau, mais n'importe comment ensemble, pas dur, pas non. Mal difficile. Tu sais, mélange assemblage requis, toutes les lettres, là, on se souvient plus. C'est ça. On se souvient déjà pas de grand-chose dans la vie. Hein? Ouais. Comme mes blagues. Là. Ils sont pas mémorables. Mais non. Voilà. Il nous reste une dernière place, c'est le sentier Jacques Buteux. C'est un tronçon du sentier national. J'en avais déjà parlé pour vous le rappeler. C'est un sentier qui est en train de se construire pour traverser le Canada d'est en ouest ou ouest en est, là, peu importe. Ou les deux, ouais. C'est ça. Donc, on peut vraiment partir. Ça va partir de la Gaspésie au Nouveau-Brunswick, puis on pourrait se rendre jusqu'en Colombie-Britannique avec ce sentier-là. Hey, ça me rappelle, je connais quelqu'un qui a de la misère à différencier le vertical de l'horizontal. Tu sais, ouais. Horizontal, on a trouvé le truc pour les gens à la maison. Écoutez ça, là. Écoutez ça. Pour retenir l'horizontal, pensez à une TV HD. HD, horizontal, HHD. HD, c'est vers le long, là. Hein? Mais moi, je me suis toujours dit vertical, vertige. Aussi. Donc, en bleu deux. Voilà. Il y en a un qui est plus geek que l'autre, par exemple. Ouais. Ça me touche plus. Là. HD. Mais ça dépend à ton ami, là, s'il est plus geek ou s'il est plus... Faudrait voir. Plein air. Moi, c'était horizon... horizontal. Ouais, ça c'est un peu facile, évident. Là. Puis vertige vertical. Ouais. Bon. Tu y vas avec le facile, toi. Moi, je suis né, puis je le savais. Ouais, c'est ça, moi aussi. Gauche-droite, même chose. Hein. Gauche-droite. Moi, gauche-droite, c'est une autre histoire. Comment tu te rappelles laquelle qui est la droite? C'est la main que j'ai créée. Bravo. C'est ça. Mais même justement... Mon examen théorique de conduite, j'étais tellement stressée que ma mère m'avait écrit un petit G et un petit D sur mes mains. Wow. Mais j'étais tellement stressée, là. Puis t'ont donné ton permis. Oh boy. Le pire, c'est que depuis, j'ai jamais eu aucun accident, aucun accrochage, mais mon Dieu, j'étais stressée, puis je suis dans l'une quand je pense à gauche puis droite. Là, puis j'ai embarqué en auto avec elle pour aller voir Hockey Go à Montréal, François. Tu joues dangereux, le risque. Tu joues dangereux. Comme Annie Villeneuve, là, Annie Chose Brocoli. La vie est un sport dangereux. J'essaie de faire une joke sur ça, mais ça a marché. Non, ça va marcher du tout. C'est la plongeuse. C'est quoi donc, c'est Annie Pelletier. On parlait de quoi, là? Oui, on parlait du sentier Jacques Buteux. Faut se divertir des fois, lui. Oui. Oui, faut juste que j'aille travailler après. Vas-y. Travailler. Ouais. Travailler, c'est trop dur. Mais voler, c'est pas bon. Faire mon stage. Le sentier Jacques Buteux va border la rivière Saint-Maurice. Il passe près de falaises et offre un point de vue magnifique à son sommet. On passe proche de ruisseaux, chutes, puis même on passe près du lac Clair. Donc, j'imagine qu'on doit passer près de la halle de camping du lac Clair qu'on a vu logique, au début. Hein? Mm-hmm. On passe près de pas mal d'affaires, là. Pas mal d'affaires. C'est clair. Clair. Ma mère s'appelle Claire, c'est pas drôle. Ben, j'ai une tante qui s'appelle Claire aussi. Okay, c'était rien de mal. On pourrait les saluer. Bonjour, les Claires. Allô, maman. Les Claires au chocolat. Ah non. OK, donc 12,9 km de sentier pour les racketeurs et le hors-piste sur tout le territoire. Le lieu n'est pas vraiment entretenu pour les marcheurs. Donc, j'imagine s'il y a une bonne bordée, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Mais s'il n'y a pas neigé depuis quelques temps, les raquetteurs habituellement entretiennent la piste à eux-mêmes. C'est ouvert tout l'hiver, du lever au coucher du soleil. C'est gratuit. On doit compter environ 45 minutes pour s'y rendre. Et on peut consulter le site web de la ville pour s'informer. Encore là, www.grandepile.qc.ca. Voilà pour les quatre endroits où aller faire de la marche et de la raquette. Il nous reste à parler des portes ouvertes de l'École d'agriculture de Nicolet. C'est la dernière fois qu'on en parle parce que ça a lieu les 4 et 5 février. Oui, donc c'est en fin de semaine, vendredi et samedi. C'est les portes ouvertes. Ça donne rien à foutre, je décœure avec ça. Je décœure pas, voyons. C'est les portes ouvertes de l'École d'agriculture de Nicolet. Comme je l'ai dit... Le terrassement... Le terrassement, les plantes, les animaux, tout sont en gros projet. Là, présentement, c'est une vraie fourmilière. Sur place, il va y avoir des démonstrations, des stands d'information, des rencontres avec les élèves qui étudient là et avec les enseignants. Le salon de l'emploi agricole et horticole, une visite des installations et une mini-ferme. Ça va être ouvert de 10h à 16h ces deux journées-là. Donc, vous pouvez vous y rendre puis visiter les projets, c'est gratuit. Pour plus d'informations, vous pouvez aller au www.ean.csriveraine.qc.ca ou appeler au 819-293-5821, poste 2364. Les informations sont évidemment sur assemblagerequis.com et on répète juste le site web rapidement, EAN pour École d'agriculture Nicolet, hein, EAN.csriveraine, comme dans la commission scolaire, Riveraine. Oui. .québec.canada. C'est ça. C'est simple à retenir, mais assemblagerequis.com pour toutes les infos. Pas encore plus facile, c'est fou.ca. Oui, ben oui, cliquez sur le logo. Moi, je m'en souviens jamais d'écrire assemblage requis. Je fais « C'est fou! » Puis je fais « Wouh, balado! » Voilà, j'ai cliqué dessus. Wow! Je suis rapide. T'es rapide, t'es « tight! » Tight! Oui. C'est ça? C'est ça le mot que les jeunes utilisent? T'es chill? Chillio dans le gâteau? Je sais pas. Chillio. Faudrait que j'aille voir, là. J'allais dîner à la cafétéria de où est-ce que mon stage. Il y avait plein de jeunes qui ont mangé à la cafétéria en même temps que moi. Je me trouvais très grande et très vieille. Ça doit, hein? Je trouve ça un peu troublant. Ouais. C'est-tu moi, mais les jeunes rétrécissent. Ah, pas ça. Je sais pas, hein. Plus le temps avance, plus les secondaires 1 sont petits, on dirait. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était le contraire, moi. Puis, t'as l'impression aussi que. Ils sont jeunes, ils sont bébés. Puis, t'as pas l'impression d'avoir passé par là et ça fait pas si longtemps. C'est ça, c'est vrai. Puis, c'est vrai qu'à l'université aussi, il y en a qui ont l'air vraiment beaucoup plus jeunes que leur âge. Mais hein. Aussi, vrai? Même ici, pour vrai, à l'université, des fois, tu fais. Oh! 15 ans, oh! L'autre fois, j'ai eu un choc. J'ai rencontré mon voisin quand je restais chez ma maman. J'étais, c'est facile. Mais je suis rendu ici. Hey boy. Colin. Hey boy. Il faut prendre un coup de vieux. Oui. Ouais. Bon. Donc, Émilie Gauthier, merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine, mardi à 8h. Pour une autre chronique, veux-tu sortir avec moi? Ouais, oui. Merci. Merci, là. Tu reviendrais plus merci, si merci. Ça, hein? Ben, arrête donc. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Il y a un peu trop de MySpace d'ouvert et de plein d'affaires. Là. Pourtant, je trouvais que ça groovait ce que tu nous partais là, Danny. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Je pourrais passer des heures à écouter la trame sonore sans dire mot, mais bon, ce serait pas ce qu'il y a de plus divertissant. Et aujourd'hui, on a plusieurs choses à traiter parce que c'est mercredi, c'est notre journée bouffe, c'est notre journée saveur. Et on sait que la première journée, j'avais présenté la merveilleuse recette de sauce au poivre. La semaine suivante, c'était la recette de pommes de terre qui se roule, là, qui est typiquement nord de l'Europe. Et bien là, aujourd'hui, on va essayer de compléter le repas là pour être capable de servir... Se faire une bouffe au moins en fin de semaine. Se faire une bouffe au moins aux trois semaines, là, tu sais quoi? c'est pour ça qu'on a plusieurs choses à traiter. Aujourd'hui, on va voir comment faire une crème de tomates rapide, mais surtout tout ce qu'il y a de plus délicieux. Tu vas nous entretenir d'un sujet très important, c'est-à-dire comment bien faire sauter les légumes à la poêle. Okay. Et je vais traiter un peu de la préparation et cuisson de la viande, même si en général, tout le monde sait se faire cuire un bon steak. C'est pas tout le monde, on va te dire. Exactement, et c'est pour ça qu'on en parle. Et on va compléter ça avec un dessert feuilleté aux fruits flambés, tout ce qu'il y a de plus délicieux. L'émission va terminer vers 16h, je vais vous le dire. Mais vous allez avoir le ventre plein. Donc, on va commencer immédiatement avec la crème de tomate rapide. Donc, ce qui fait qu'elle est si rapide, cette crème de tomate-là, c'est qu'on partira pas de tomates... On va partir d'une canne, mais bon, la canne, tout le monde sait que la fameuse canne de Elmer peut parfois nous laisser un goût un peu amer en bouche. Donc, comment la rehausser? Comment s'assurer que cette canne de tomate-là devienne la plus savoureuse des crèmes de tomates jamais servies? Je suis content que tu aies dit la Elmer, parce que pour moi, au Québec, tu sais, souvent, c'est le monde, c'est la Campbell, mais moi, c'est la Elmer. Ben, moi aussi. Non, mais je suis content que tu l'aies utilisé. C'est donc... voilà, mon placement de produit est fait. Exact. On va commencer par hacher de l'ail, mon Danny, hein, parce que l'ail, on sait que c'est un élément très important... Dans ta cuisine. Dans ma cuisine, et c'est quelque chose qui donne énormément de saveur au plat. Tout à fait. Et là, une fois que notre ail est haché, je vous suggère de vous hacher aussi à part une échalote française ou de l'oignon rouge. Si vous avez rien que des gros oignons normales, c'est mieux que rien. Hein? Vas-y avec l'oignon. Vas-y avec l'oignon, comme on dit. Et là, on commence dans de l'huile d'olive, quand même assez généreuse somme d'huile d'olive. On commence à faire rôtir l'ail. Et là, quand on voit qu'elle commence à dorer, on rajoute notre échalote française afin de faire rôtir les deux ensemble. Et puis là, quand ça va être le temps d'humecter un peu tout ça, parce que tout a pris une couleur bien dorée, similaire à celle du Graham, par exemple, on va déglacer le fond avec un peu de consommé de bœuf. Pas trop, hein? Il faut pas mettre la boîte au complet, juste... Un petit liquide, là. Exactement, déglacer le fond. Et là, on va se remettre à faire cuire tout ça ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute la dite canne de Elmer. Et là, une fois qu'on a rajouté le contenu, on sait que dans le fond, il en reste un peu. Elle est motonneuse au plus dans le fond. Elle est motonneuse un peu dans le fond. Donc, on peut rajouter un petit peu d'eau. Caillotteuse. Tout à fait. Et donc, on rajoute un peu d'eau pour... mais pas trop, hein, parce que sinon, ça va rien goûter l'eau. On veut pas un jus de tomate, là. Exactement. Et là, on commence à faire cuire ça ensemble. On peut rajouter un petit peu de sel, mais les produits en canne, on va le mentionner, sont déjà extrêmement salés. Donc, ne pas... Si t'as mis pas mal d'ail, ça sale naturellement. Exactement. Le goût de l'ail donne un goût très salé. Si vous en rajoutez trop, le monde va faire... C'est bien trop salé. Exactement. Et là, je vous suggère de rajouter une petite cuillerée à thé de sauce Worcestershire. Puis du poivre. C'est bien important de rajouter du poivre. Et là, une fois que le tout est bien homogène, c'est important de ne pas la faire bouillir trop et de la faire chauffer parce qu'elle va prendre une texture très liquide et le solide va se séparer en espèce de croûte sur le dessus. Donc, c'est plutôt de faire réchauffer que de faire cuire. Oui, parce que c'est déjà cuit, hein, cette crème à Exactement. La base. Et si, là, je vous suggère d'employer de la crème à cuisson, de la 35%. C'est bien important de la crème à cuisson, sinon ça va cailler puis vous allez rater là, le tout. Et de toute façon, moi, c'est à peu près la seule sorte de crème que j'ai chez moi. Elle fait... À peu près tout. Elle fait à peu près tout, cette crème à cuisson, 35%. Et donc, vous en rajoutez à l'œil, au goût, comme ça. Vous y allez progressivement en remuant jusqu'à obtenir la couleur rosée désirée. C'est à servir chaud et c'est tout ce qu'il y a de plus admirable comme petite entrée. Et ça vous a pris quoi? 15 minutes, 1 $ ou 2? C'est pas très cher. Mettre un petit peu de persil frais par-dessus ça. Un petit herbage pour le look, pour le goût. Comme tu dis, frais, c'est toujours mieux. Même un petit carré de beurre. Et puis, je dirais là que même si c'est tout ce qu'il y a de plus désinvolte, on peut très bien recevoir des gens avec ça. Les gens vont vous regarder médusés en disant « C'est la meilleure crème de tomate que j'ai jamais mangée. » Je vous le garantis. Donc, ensuite, Danny, on a passé l'entrée. Oui. On sait que la sauce est prête, les pommes de terre sont prêtes. Et là, on veut s'attaquer à ce qui reste d'accompagnement. Oui. Donc, il nous reste à faire sauter des légumes. Oui. Et toi, Danny, quand tu fais sauter des légumes, quand tu me reçois à souper, là, comment est-ce que tu procèdes? Bien, le truc pour les sauter de légumes, premièrement, c'est de préparer tous nos ingrédients d'avance. Parce que quand ça commence, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est comme le wok, hein, finalement, c'est au wok. C'est de couper des morceaux aussi similaires. Oui. Tout dépendant. Tout légume peut être presque bon. Hein? On peut, moi, j'aime bien toujours le poivron rouge, toujours bien intéressant. Poivron vert, oignon. Échalote, c'est correct, mais c'est plus pour dans le début. Et ce qui compte, c'est peut-être de se partir justement un petit beurre, une huile. Moi, mon petit secret, c'est toujours gros morceau de beurre, petite quantité d'huile d'olive pour empêcher de brûler. Puis tu mélanges les deux ensemble. Je mélange les deux, un peu d'ail dans le fond. pour donner le goût à notre beurre ou à notre corps gras. Puis là, au niveau du choix des légumes, j'imagine que tu agences les couleurs et les saveurs. J'y vais plus avec le choix et avec ce que j'ai sur le moment aussi. Parce que, tu sais, des légumes sautés peuvent être... à peu près tout peut se faire sauter dans exactement. Légumes. Ça sert à rien de se tuer financièrement à acheter des légumes hors saison. Acheter ce qui est de saison. Exactement. Toujours ce qui est intéressant, qui donne un bon goût. Les fameux choux chinois, ces trucs-là, toujours intéressants. Oui, tout à fait. Le céleri qui donne un bon goût aussi. Céleri, toujours couper des petits morceaux, par exemple, parce que sinon, c'est pas intéressant. C'est très riche en fibres, on le sait. C'est ça, c'est fort aussi. Le goût est très fort, donc si on a une petite portion. Mais en gros, c'est vraiment de prendre, de préparer ces ingrédients d'avance et puis d'y aller des plus durs aux plus mous, dans le sens que si tu veux faire revenir des carottes... Des carottes, t'es mieux d'y aller avant début. Les champignons. Exactement, tout à fait. En gros, c'est à peu près ça. Les oignons, des assez gros morceaux. Oignons jaunes, oignons rouges. Parce que sinon, ça disparaît. Exactement. Et puis, on veut, quand il y a un sauté, on veut goûter des morceaux. On veut pas des... C'est pas une soupe qu'on fait, c'est pas une crème puis qu'on fait. Si les morceaux sont trop petits, ça va trop dégager d'humidité puis ça va virer faire en jus. Une boîte un peu, finalement. Exactement, ce qu'on veut éviter. On veut que ça reste quand même un peu croquant. Ouais, ouais. Un petit peu. Ça, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien toujours le zucchini, qui est pas cher et puis qui fait la job dans plein de situations. Les légumes verts, toujours à cuire à découvert. Ouais. Et puis, sinon, on parlait du céleri tantôt. J'aimerais ça mentionner, pour ceux qui ne le savaient pas encore, que c'est un légume. On dépense plus d'énergie à le mâcher cru que le céleri nous en donne en tant que tel. Oui. C'est riche en eau, c'est riche en fibres, en sel, sauf que c'est pas ce qu'il y a de plus énergétique. Non, c'est clair. Mais en même temps, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Par exemple, quand on liche un timbre, je pense qu'on reçoit plus d'énergie à licher la colle qu'on en dépense à licher le timbre en tant que tel. Donc, ça explique pourquoi il y a des employés de bureau qui souffre de problèmes d'obésité, j'imagine. Bon, mais... OK, mais c'est ça. Sinon, puis qu'est-ce qui peut être intéressant aussi si vous avez des légumes racines un peu plus durs, mettons, je dirais le navet ou le rutabaga, ces trucs-là. Exact. Eh bien, moi, j'aimerais ajouter des fois aussi, quand c'est starté, une gorgée d'eau. Oui. Puis même un peu de bouillon de poulet, un peu. Ça peut donner un bon petit goût, puis faire cuire un peu plus doucement, si on veut pas juste les faire frire, là, tu sais, dans l'huile ou dans le corps gras. Oui, dans le fond, ça dépend toujours de la nature de notre exact. Légume. Puis moi, souvent, mes sautés vont être un peu d'origine. Moi, je suis toujours un peu inspiré par l'asiatique, l'Asie, tout ça. Oui. Donc, fait que mes sautés vont être un peu asiatiques. Donc, j'y vais avec des épices comme ça, des pâtes de curry, des gingembre à ajouter, tout ça. Mais tout dépendant, si on se fait une bouffe qui est plus française, ben on y reste dans les côtés ail, oignon. Mais il y a des choses qui sont assez passe-partout, comme le citron, la lime, ouais, le exactement. Sel, le poivre, ces choses-là. Mais c'est pour ça que je dis, si tu vas vers l'asiatique, ben là, ça te prend un peu de gingembre râpé, puis des trucs comme ça, là, ou la pâte de curry. Tout à fait. Très, très intéressante, la pâte de curry. Oui, j'adore. En effet. Sauf que si on veut pas se tuer à l'acheter, on peut aller à l'épicerie chinoise qui est ici à Trois-Rivières. Vraiment, ça revient pas cher. Le kilo est à peut-être 6-7 $, me semble. Mais parce qu'un petit pot de 250 ml, vous allez payer ça 5-6 $ à l'épicerie, donc ça vaut plus la peine d'aller acheter le gros pot. Le vrai pot de pâte de curry, et puis la qualité est encore meilleure en plus. Exactement, elle va être meilleure au goût. Et meilleure aussi, il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a rien. Et puis même si on dit en acheter un kilo, c'est beaucoup, mais ça se conserve au congélateur. Pratiquement indéfiniment au congélateur. Magnifique. Donc voilà pour les légumes sautés. Et sinon, moi, bon, quand il s'agit de préparer et de cuire de la viande, en général, les goûts diffèrent beaucoup d'une personne à l'autre. Tout à fait. Alors, moi, de la façon que je procède pour préparer ma viande, en général, s'il n'y a pas de thématique, par exemple, asiatique rien en particulier, on veut juste un steak, tout ce qu'il y a de plus normal. Un bon vieux steak, là, comme on dit. Exactement. Je vais faire griller un petit peu d'ail haché dans un petit peu d'huile d'olive, OK? Et ensuite de ça, je vais monter ça avec de la moutarde de Dijon et je vais simplement badigeonner. Bon, on rajoute sel poivre et je vais des fois un peu de poudre de chili, là, dépendant des humeurs, et badigeonner généreusement les steaks qu'on peut masser un peu avec la sauce. Que ça là. Pénètre à l'intérieur. Exactement. Et bon, le plus longtemps que ça macère comme ça, le plus tendre et le plus juteux et le plus goûteux sera votre steak. Et bon, plus la pièce de viande est épaisse, il faut que le feu soit moins fort à cause que l'intérieur doit cuire. Et non juste brûler l'extérieur, carcasse. Exactement. Mais d'un autre côté, si votre feu est assez fort, dans le fond, l'extérieur du steak sera pas grillé. On veut quand même que le steak soit bien grillé et que l'intérieur soit d'une cuisson appropriée. Donc, allez-y en fonction de votre épaisseur de morceaux de viande. Et veux-tu que j'amène un petit quelques trucs aussi? Oui, j'aimerais. Jamais revirer le steak. On le met d'une fois d'un côté. On attend que sa cuisson soit faite de l'autre. On joue pas avec. On le tourne pas. On le traîne pas dans la poêle. On le laisse sans bouger. le plus longtemps possible. Ouais. On essaie de calculer. Et quand on est prêt à le revirer, on le revire. Ça se vire deux fois. Une fois, finalement. Une fois. On le met d'un bord, il est prêt, on le vire de l'autre. Et c'est comme ça que vous n'aurez pas un steak dur et brun et gris. Là. Il va être de belles couleurs. Exactement. Vous allez aller chercher plus de caramélisation au niveau de la grillade. Exactement. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup pour le petit truc, Danny. Et puis aussi, bien éponger. Si, mettons, on a fait mariner le truc, là. Parce que des fois, dans des marinades, certaines marinades du commerce, eh bien, on arrive, on met le steak, puis là, il baigne dans un jus. Il va bouillir. Finalement, il bout ton steak. On il ne sera pas jamais tendre, il ne sera jamais intéressant. Exactement. La viande bouillie qui est quand même à déconseiller. Bien égoutter la pièce de viande avant de la faire cuire. Oui, c'est un problème que j'ai déjà eu, faire chauffer la poêle énormément, presque brûler. Moi, je fais presque brûler mon beurre, finalement. OK. Parce que pour que ça saisisse littéralement. Oui, exactement. C'est important de saisir. Surtout si vous avez une pièce mince, là, ayez pas peur de mettre le feu dans le tapis. Là. Exactement. Après, au pire, ne serait-ce que pour le redescendre, et au moins au début, on saisit le truc, parce que sinon, ça fait sortir l'eau de la pièce de viande. Et puis là, ben, comme on a dit, ça boue et c'est pas intéressant. Exactement. Et donc, sinon, pour clore cette petite chronique culinaire, ce qui nous donnerait, au fond, un repas complet avec notre entrée de soupe. Bon, c'est peut-être pas un 5 services, mais... ouais, un bon repas, là. Un bon repas, quand même. On aurait notre crème de tomate. Ensuite, on aurait notre steak avec la sauce au poivre, les petites patates roulées nordiques avec nos légumes sautés, ce qui est une assiette tout à fait respectable. Bon, ben, qu'est-ce qui nous manque? Un excellent dessert tout sucré. À fait. Et là, je vous suggère d'aller vous chercher à l'épicerie un paquet de pâtes philo. Ça coûte 2-3 $, ça coûte rien. Et vous pouvez faire autant des repas principaux, donc des pâtés à la viande, que des petites papillotes, des entrées aux crevettes, des baklava. Vous pouvez faire un paquet de chose avec la pâte philo et ça coûte rien. Donc, allez vous en chercher un paquet. Ça se garde au congélateur. Ça se conserve ad vitam aeternam. Et il faut juste apprendre à travailler avec. Moi, je vous conseille de la laisser dégeler un peu avant de commencer à travailler avec. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Vous allez sacrer, comme on dit. Exactement. Sinon, ça va très bien. Vous prenez un peu de beurre mou et même de beurre fondu. Et là, vous formez une espèce de petit socle dans lequel vous allez mettre vos éléments et vous refermez ça avec du beurre. Vous faites une petite cage. Vous mettez ça au four. Il y a des instructions pour faire cuire la patente sur la boîte de pâte philo et ça va sortir. Vous en croirez pas vos yeux tellement le résultat va être magnifique. Mais là, nous autres ici, on parle d'un dessert. Donc, ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre cocon de pâte philo, ça va être des fruits. Peu importe le fruit qu'on va faire doucement griller dans du beurre, dans une poêle en téflon. Et là, c'est important de prendre un alcool fort, un alcool qui est à 40% et dont le goût nous plaît. Donc, souvent, les alcools comme le rhum ou le whisky vont être intéressant parce que c'est des alcools un peu plus sucrés donc qui vont mieux se marier avec le dessert. Un brandy. Exactement. Si vous aimez pas la réglisse noire, je vous déconseille la Sambuca, naturellement. Ah ouais. Si vous aimez pas l'orange, je vous déconseille le Cointreau. Mais il y a des alcools qui ne vont pas flamber instantanément. Ça vous prend une louche en métal et là, vous allumez votre rond de poêle, vous pouvez le mettre à maximum et là, vous remplissez assez généreusement la louche et vous faites chauffer l'alcool, vous la faites chauffer et là, vous allez entendre toutes sortes de craquements, de bruits bizarres. Ne vous inquiétez pas, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, quand vous voyez qu'elle est sur le point d'atteindre le point d'ébullition, vous la versez dans votre poêle. Et là, il faut avoir le feu à portée de la main pour immédiatement envoyer l'étincelle fatale qui va faire Hiroshima dans votre cuisine. Je vous suggère même de fermer les lumières avant de faire flamber. Ça va impressionner vos invités. Et là, vous remuez tout délicatement, très délicatement pendant que ça brûle. Tassez-vous un peu de la hotte du poêle, sinon vous allez avoir un nettoyage garanti à faire. Mais c'est pas compliqué faire flamber des fruits. Tout ce que ça prend, c'est de l'alcool fort, les fruits qui sont en train de griller, du feu à portée de la main et un peu de courage pour un spectacle, tout ce qu'il y a de plus magnifique. Et puis si vous êtes chanceux, eh bien que vous possédez un poêle au gaz, ben vous avez juste besoin de verser un petit peu d'alcool et puis tout va s'enflammer tout seul. On n'a même pas besoin de l'allumer. Mais un poêle au gaz, j'ai malheureusement pas la chance d'avoir ça chez moi. Ce qui est magnifique avec ça, c'est que tu as un contrôle total aussi sur la température. Et instantané aussi. Oui, exactement. T'allumes ton poêle, il est déjà rouge. Sauf que d'un autre côté, c'est un petit peu plus compliqué à nettoyer. Chez moi, j'ai un fourneau qui est fort facile à nettoyer, alors je ne m'en plains pas non plus. Mais bon, allez-y avec les moyens dont vous disposez et servez-vous de votre originalité, de votre personnalité pour faire des repas. Des goûts que vous aimez aussi. Exactement. Si vous aimez pas les fraises, allez pas vous faire un flambé aux fraises, feuilleté aux fraises flambées. Vous aimerez pas ça. Et bon, ça peut être servi avec une petite crème fouettée maison ou de la crème glacée ou tout simplement nu ou avec un filet de crème. C'est à votre discrétion. Ben, merci beaucoup, Charles-André Lambert. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche et que ça vous a donné envie de faire de la popote. En tout cas, moi, j'ai faim en tabarouette. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Maintenant, on reçoit Émilie Gauthier. Comme tous les mardis, voici sa collègue qui veut sortir avec moi. Vous voyez bien qu'elle n'est pas là, Émilie. Salut, Émilie! Ça va, Émilie Gauthier, avec sa chronique plein air? Elle n'est même pas là, Émilie. Qu'est-ce que tu racontes? Émilie, salut, Émilie! Non. Émilie, elle a le droit de voix. C'est ma chronique, là, présentement. Ben, on est mardi 8h. Ça veut dire vite sur Non, mardi, c'était la session passée que c'était ma chronique. La session passée? C'était ma chronique, oui, le mardi, la session passée. Vous êtes absolument mêlés, les gars. Peu importe qui tu es, peux-tu nous parler de plein air? Où est-ce qu'on sort? Je veux sortir, aller me mettre les pieds dans la neige. Ouais, bon, ben, regarde, vous me tombez ses nerfs, fait que je vais parler de mes chansons. Alors, okay. Je voulais parler aujourd'hui de Malajube, qui vont sortir un album quand même au mois d'avril. Mais, on a trouvé une pièce inédite sur l'Internet. Oh, ouais, t'as réussi à mettre la main là. Ben, là, en fait, c'était une pièce qui ont joué, en fait, une prestation live à Mange ta ville, l'émission Mange ta ville. Et puis, la chanson s'appelle Synesthésie. Et puis, ça va être sur leur prochain album, La Caverne, leur quatrième album. Puis, pour le lancement de l'album, là, il y a deux dates à Montréal puis deux dates à Québec. C'est le 19-20 avril à Montréal et le 22-23 avril à Québec pour le lancement de l'album. Donc, on va aller écouter ça. J'espère que l'audio est quand même acceptable parce que c'est quand même une version live prise sur Internet. Donc, Synesthésie Malajube. Assez fou, 89 FM. Alors, c'était Mal à Jube, la pièce Synesthésie, qui va être sur leur prochain album, leur quatrième album, La Caverne, dès le 19 avril prochain. Très bonne qualité, soit dit en passant. Ouais, ça va bien du bon sens. Ouais, c'était pas très fort, mais la qualité était quand même bonne. Ouais. Donc, deuxième artiste dont je veux parler, Rural. Alberta Advantage, qui va sortir son deuxième album le 1er mars. Déjà, donc, dans un mois. Dans un mois. Ouais, aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, mais sortez vos agendas parce que ça va être des futures sorties d'albums. Donc, je vous mets l'eau à la bouche. Donc, Rural Alberta Advantage. On aime tous dire le nom de ce groupe-là, je pense. Rural. Groupe torontois, étrangement. Probablement ouais. Que certains membres proviennent de la région albertaine. Ou bon. C'est un hommage. Peut-être. Ouais, peut-être que c'est un hommage aussi. Peut-être que c'est un hommage à la marmotte en Alberta, là. Comment elle s'appelle, la marmotte en Alberta? C'est pas Billy? Billy, oui, c'est Billy. Ça. Billy. Je sais pas si elle a vu son nom. Juste une petite mise à jour pour vous, les gars. la marmotte n'a pas vu son ombre. Non. Donc, le printemps s'en vient. Yeah! Je pense que c'est trois semaines, la règle. Même si le National Climatic Data Center a dit qu'ils ont analysé les données des marmottes et disent qu'ils n'ont aucune capacité analytique pour prédire la météo. Bon. Mais on veut bien y croire. On veut y croire, c'est comme le Père Noël. Hein. Ouais. Ouais. Donc, on va l'écouter Stamp de Rural Alberta Advantage en attendant leur prochain album The Parting dès le 1er mars. Donc, on écoute ça. Assemblage requis? Oui! C'est Fou 89.1 FM. Stamp. J'adore ça, pour vrai. The Rural Alberta Advantage. C'est drôle parce que j'avais entendu d'autres pièces de ce groupe-là et puis j'avais vraiment pas aimé ah ça. Non. Ah non? Ouais? J'ai adoré le premier album. Ça, c'est très bon, cette pièce-là. Ouais. Ouais. J'ai dû écouter la mauvaise. Hein? Ah, peut-être. Des fois, des pièces pas représentatives. Ouais. Ça arrive. Ben, le chanteur a une voix quand même nasillarde. Ouais. Ça peut être agaçant, mais ça peut aussi embarquer. Ouais. C'est l'aspect folk de la pièce que j'avais entendu que j'avais pas. Ouais. C'est très, très plus, plus Canadian que ouais, ça. Canadian. Ouais, Canadian rock. Ah oui. Donc, c'était ça pour Rural Alberta Advantage, trio torontois. Maintenant, je voulais parler d'un groupe montréalais qui sort son cinquième, si je ne m'abuse, cinquième album, The Deers, avec un album qui va sortir le 15 février, Degeneration Street. Ouh. Les rues The Deers, qu'est-ce que j'ai choisi comme pièce? Ah oui, j'ai choisi Blood pour leur album Degeneration Street, qu'on va aller écouter tout de suite, à moins que tu ne sois pas prêt, Mathieu, mais moi, je suppose que tu es tout le temps prêt. Non, ça va, ben moi, je suis toujours prêt. J'allais juste te renommer, t'es comme le Chris Elliott de notre émission. C'est qui Chris Elliott? Qu'est-ce qu'il fait de bon? Tu sais, c'est le drôle qui est comme un personnage de soutien là, dans des films, mettons, tu sais, des films américains, genre des années 80, il était souvent comme le genre de petit drôle, le comic relief, le gars qui fait rire les deux animateurs. OK. T'sais, ben moi, j'aime bien Bill Murray, qui était acteur. Mais ça, c'est le meilleur, le top, là. Ouais. Le top, c'est Bill Murray. Moi, je suis pas Bill Murray, moi. Non, moi, ça, c'est moi, Bill Murray. Okay. François-Olivier, c'est comme le Andy McDowell. Ça, c'est la belle-fille qui essaie de courtiser tout le long. Hello! C'est comme en l'impressionnant avec son cours de français, je pense que c'était. De français. Parce que la fille, elle a étudié en français. Puis... Okay. Dans les films des années 80, en général, là, ouais. Pas un prix ici. Moi, je suis pas Bill Murray, bon. Non. Chacun son rôle. T'es le personnage de soutien. OK. Mais t'es là pour faire rire le monde. C'est comme toi l'important. La vedette est jamais importante dans ces films-là. Ouais, peut-être. T'as le second banana. Ah, je suis comme, tu sais, le Gaffritiatis dans Hangover. Oui. Comment tu l'as appelé, excuse-moi? Gaffritiatis. T'es proche. T'es comme à 3, 4, 5 syllabes de... Dis-le, toi. Galifianakis. Et là, j'ai dit Galificatis. C'est pareil. OK. Galifianakis. Galifianakis. Galifianakis. Il y en a un que je dis trop. C'est Abenaki, je pense. Bon, on va aller écouter The Deers. Dis les cris. Galifianakis. Galifianakis. Galifianakis. Galifianakis. This blood is not a stranger's or a breath. It's sympathy from up above, soaking us in blood. And we learn the hard way. What's that in your eye? You have been fantasizing possibilities, ways of getting to me. You're getting to me. is not a stranger's or a bird's. We learn the hard way. The Deers avec Blood de leur futur album Degeneration Street. Encore une fois, très très bon. Oui, qui sort le 15 février. Là, je vous ai suggéré trois bandes dont on reçoit habituellement les albums. Ouais. Donc, j'espère que vous allez poursuivre dans mon élan. Ben, certainement, on a reçu l'album de Rural Alberta. C'est ça, déjà? Genre, je l'ai vu. On a reçu. On va recevoir Manajub, évidemment, parce qu'on reçoit toujours. Ouais. The Deers, apparemment, d'habitude, on le reçoit. Ouais, on le reçoit. On reçoit ça, The Deers. C'est pas mal. Montréal. C'est pas trop obscur. Pop-scur. J'essaie de faire mes liaisons, bien parler, mais c'est pas toujours réussi. C'est parfait. Mais moi, je vais quitter, Mathieu, si ça te dérange pas. À moins que tu voulais parler. Voulais-tu parler d'un des films de Bill Murray? Juste laisser des indices pour les auditeurs qui sont mêlés un peu dans notre première heure. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire ça subtil, mais apparemment, c'est pas tout le monde qui va la comprendre. Là. L'année passée, ça fait bien des remous. Ah, c'est fou. Ouais, je m'en rappelle l'année passée. Je comprenais rien. Les explications sont évidemment sur assemblagerequis.com pour ceux qui comprennent pas la blague. C'est le film avec Bill Murray. Ah. Où le gars. Comment ça s'appelle en anglais? Groundhog Day. Groundhog Day. Ben merci beaucoup, Maxime, d'avoir remplacé Émilie en ce, comme on appelle, le faux mardi. Là. OK. On se remet dans le contexte mercredi. Fait plaisir. Pas de plein air aujourd'hui. Pas de plein air. Pour toi, Émilie. Pas de plein air. OK. On se retrouve donc mercredi prochain, pour vrai, à 8h, pour ta chronique télécharge quoi, comme toujours. C'était ça, ta chronique. C'était ça, oui. Fini la joke, là. C'est fini. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous envoie le top 10 des questions les plus stupides posées aux hôtesses de l'air. Donc, c'est la compagnie aérienne Virgin Atlantic qui a demandé à son personnel de cabine de recenser les questions insolites posées par les passagers. Certains vont même jusqu'à demander d'ouvrir la fenêtre. Bien oui, si vous prenez souvent, certainement l'avion assez souvent, vous êtes souvent tombé sur un voisin de siège irritant, malpoli ou posant des questions complètement saugrenues aux personnes. Eh bien, je vous envoie comme ça le top 10 d'anthologie qui donnerait presque envie d'écrire le scénario d'un nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Première, bien sûr, au top 1. Eh bien, s'il vous plaît, vous pouvez-vous ouvrir la fenêtre? À 10 000 mètres d'altitude, certains trouvent qu'il fait parfois trop chaud. Ainsi, un homme n'a pas hésité à demander à une hôtesse s'il était possible d'ouvrir les fenêtres pour faire un peu d'air. Celui-ci ne devait visiblement pas être très au fait de la pressurisation des cabines et des appareils. Deuxième, eh bien, pouvez-vous arrêter les réacteurs? S'il est continu, le bruit des réacteurs n'est jamais très agréable. Celui-ci empêche même certains de dormir durant tout le trajet, ce qui a parfois le don de les énerver. Un passager de la compagnie qui souhaitait se reposer a donc naturellement demandé si les réacteurs pouvaient être éteints afin qu'ils puissent dormir. Ben, naturellement, hein? Tant qu'à ça, reste donc chez vous, tu sais. Celle-là est encore meilleure, je trouve, la troisième. S'il vous plaît, pouvez-vous demander au commandant de bord d'arrêter les turbulences? Génial. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise en avion, les turbulences, ce sont des mauvais moments à passer, mais ne vous y fiez pas. Le pilote n'y est pour rien. Même si l'image d'un pilote en train de secouer vivement le manche de l'appareil pour provoquer des perturbations nous plaît bien. L'autre, pouvez-vous me montrer le chemin de la douche? Oh. Comme question, donc, si les avions sont de plus en plus gros, mais c'est un passager long courrier qui avait envie de se rafraîchir avant visiblement oublier qu'il n'était pas sur Air Sarko One, donc c'est sûrement l'avion présidentiel. Oui, naturellement. Mais on sait que dans les avions présidentiels, ils ont toutes les commodités dont on peut rêver. Exactement. L'autre, pouvez-vous amener mes enfants à la salle de jeu? Donc, on nous dit, si les TGV proposent aujourd'hui des animations pour votre progéniture, sachez qu'il n'est pas encore possible dans les avions. Non, il semblerait que non. Non, après, s'il vous plaît, pouvez-vous faire une tasse de thé et un massage à ma poupée Barbie? Ah ben là, ça doit être une petite fille. Ben oui, c'est les enfants qui doivent s'occuper de leurs propres jouets. Cette petite fille n'a pas manqué de culot lorsqu'elle a demandé au personnel de bar si quelqu'un pouvait être au service de sa poupée. Elle doit être une petite fille de riche aussi. Oui. Où puis-je téléphoner? Les hommes d'affaires ont parfois besoin de passer des appels urgents, mais bon, il n'y a jamais eu de cabine de téléphone dans un avion. Oui, on sait que les cellulaires sont interdits là, dans les avions. Exactement. Je me demande pourquoi, ça doit être pas brouiller. On dit que les perturbations avec les communications. Puis les commandes de bord, tout ça. Ah bon? On nous dit que ça pourrait occasionner ça, problème électrique. Donc, ça pourrait quasiment servir de télécommande pour contrôler l'avion. Tout à fait. Une autre question assez innocente. Y a-t-il un McDonald's d'abord? Oh, un McDonald's d'abord. Ben oui. Donc, rien de trop beau. Rien de trop beau, certain. Ensuite, pouvez-vous m'aider à trouver mon œil de verre? Oh bon? Après s'être endormi plusieurs heures lors d'un trajet d'un vol long courrier, un homme s'est aperçu qu'il lui manquait son œil de verre et puis lui a demandé les hôtesses à l'aide. Aïe, aïe, aïe, j'espère qu'il l'a retrouvé. Et une qui est quand même assez drôle, c'est la question « Pouvez-vous me recoiffer? » Oh. Mais c'est un problème de traduction, parce que si les passagers peuvent poser des questions stupides, c'est parfois le personnel de bord qui comprend mal les demandes, comme cet employé qui a vu une femme très célèbre lui demander « Can you fix my hair? » Et puis elle a compris, bien sûr, « Pouvez-vous me recoiffer? » Mais ce dernier a trouvé la demande très étrange et est revenu avec une brosse à cheveux, un peigne et de la laque. La passagère a alors explosé de rire, car en réalité, elle lui avait demandé « Pouvez-vous réparer la climatisation? » qui dit « Can you fix my air? » Oh, l'air, ben oui. Ben oui. Donc, c'était ce petit top 10, des questions stupides posées dans des avions aux hôtesses de l'air. Tout ce qu'il y a de plus rigolo. C'est quand même bien, c'est intéressant. Oui, exactement. Maintenant, on y va avec ton truc parce qu'il faut laisser la place aux filles. Oui, naturellement. Donc, on sait qu'à chaque jour, j'amène un morceau de l'histoire du rock avec moi. Et on est dans la chronique du rock alphabétique. On procède par ordre alphabétique dans un voyage extraordinaire dans le monde du rock. Et bon, on s'était laissé lundi sur une pièce de Dire Straits. Et on continue avec la lettre D. Je vous avais promis les Doors. Je les ai amenés avec moi. Et les Doors, je crois qu'ils se passent de présentation. On va donc aller immédiatement écouter une pièce de leur premier album. Il s'agit de Break On Through. On y va, mais avant, on dit bye-bye, à demain, dès 11h. Tout à fait. Donc, des bisous pour vous. Profitez-en. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on to the other side, break on through to the other side. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. assemblage requis. C'est un fait. Ah, c'est un fait où on se parle de choses qui méritent d'être sues et connues par tout le monde. Comme ça, vous allez pouvoir en discuter peut-être autour d'ailes de poulet. Pendant le Super Bowl, là. Pendant le Super Bowl, sur votre télévision louée pour la semaine, là. Et qu'ensuite, qui se fera rembourser aussi rapidement qu'elle a été achetée. Hein? C'est pas ça, toi? Non. Moi non plus. Commençons par Usain Bolt, tu sais, le gars qui a le record de 100, sur le 100 mètres. 100 mètres, hein? Exactement. Ouais. Qui a mangé des croquettes de poulet. Lui, avant son record, son 100 mètres de record aux Olympiques de Beijing, de Pékin en 2008, c'est tout à fait vrai. Le jour du, dans le fond, où il a brisé son record, Usain Bolt dit qu'il n'avait pas mangé, il n'avait pas déjeuné. Il s'était réveillé à 11h, il s'était assis devant la télé, et puis il avait mangé des croquettes de poulet. Ensuite, il a dormi pendant 2h. Il est retourné chercher d'autres croquettes de poulet, puis il les a mangées. La raison pour les croquettes de poulet, c'est que Usain avait peur de manger d'autres choses parce qu'il ne faisait pas confiance à la nourriture en Chine, à Pékin. Quand pas même. Être malade. C'est exactement ça. Donc, à la place, ils mangent des croquettes de poulet. Ah, mais... Ah, je trouve ça spécial. Oui. Parce que, tu sais, ces gars-là, crème, sont suivis par des nutritionnistes. Là. Oui. Ça n'a pas le choix, rendu à un certain niveau. Là. Mais ça ne dit pas quelle sorte des croquettes de poulet. Peut-être que c'était dans un restaurant où les croquettes de poulet sont fraîches et faites avec des morceaux de poulet... certifié qualité, là. Écoute, t'as une pas là-dessus, je te dis juste que moi, ça me surprend. Ben, c'est correct, ça. Bon. Mais c'est pas tous les restaurants qui rajoutent des affaires dedans puis font grossir les poulets avec des stéroïdes ou je sais pas quoi, là. Pour que ça devienne... Je te parle pas de resto! Comment? Non, mais c'est délicieux, moi. Ah, ouais, mais là, c'est parce que c'est de la pub un peu pour... ouais, c'est ça. Hey, savais-tu qu'aux États-Unis, c'est pas délicieux, c'est pas d'Istasio non plus. Pas d'Istasio, non, je pense pas. DiGiorno. Comment? DiGiorno. DiGiorno. It's not delivery, it's DiGiorno. Ah, non, je sais pas. Mais c'est le nom de la marque qui est différent. Ça arrive. L'escalator. C'est comme les escaliers roulants. Hein? Ouais, ouais. Comment t'appelles ça en français? Escalier roulant. Ouais. À peu près. Le plus court du monde fait moins de 3 pieds. Oui, c'est une machine complètement inutile, localisée dans le magasin le Grande Surface Kawasaki Moore, au Japon. Ça a été déclaré le plus petit escalator par Guinness en 1989. Si vous croyez que l'absurdité arrête à sa hauteur, ben non, vous faites erreur. Non seulement l'escalator fait 32,8 pouces de haut, donc environ 2 pieds et demi, mais en plus, il va vers le bas au lieu de vers le haut, ce qui fait que c'est encore plus inutile. Et quand t'as fini de te promener dessus, donc pour descendre, là, t'as vraiment des escaliers à pied à descendre. Okay. Donc, c'était juste pour le record, clairement. Okay. C'est payé cher, je trouve, pour un record, mais bon. Ah, il y en a qui sont prêts à tout. Et ça les fait connaître. C'est le, on l'a dit, c'est le Kawasaki Moore. Donc, si vous allez au Japon, allez au Kawasaki Moore. Et vous dépensez votre argent. Ça va de soi. C'est voilà. Leur mission est accomplie ici. Tu connais, je vais te dire un nom, tu me diras si tu le connais. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Oui. Oui? Oui. Pas Marilyn dans le téléroman. Avec les, dans le temps, à Radio-Canada, non? Marilyn, il y avait un téléroman Marilyn, non? C'est une femme de ménage, non? Ah non, je m'en rappelle pas. Bref, Marilyn Monroe n'était pas son vrai nom, non? Après avoir signé la jeune starlette, le directeur du casting chez 20th Century Fox, Ben Lyon, aurait supposément exprimé son... Ben, pas de dégoût, mais disons qu'il n'aimait pas son vrai nom, Norma Jean Doherty. Norma Jean, ça fait très, très country, là, tu sais. Norma Jean. Lyon a dit que non, on élimine ce nom-là. Et là, il a cherché d'autres noms comme Carol Lind ou encore inverser son nom. Au lieu de Norma Jean, ce serait Jean Norman. Ça aurait pu être plus joli, mais non. Finalement, il a décidé que Marilyn serait son prénom. Ça a été inspiré par une actrice des années 20 qui s'appelait Marilyn Miller, que Lyon avait admirée pendant un certain moment. Comme nom de famille potentiel, Norma Jean elle-même a suggéré le nom de famille de sa mère, Monroe. Et Lyon trouvait que c'était joli ensemble, ce Marilyn Monroe. Et cette starlette a fini par devenir une vedette. Encore plus. Mais non. Starlette, c'est un peu comme une petite vedette. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve ça quand même spécial. Oui, spécial. Les gens qui choisissent leur nom. Ouais. Les noms de plumes pour les auteurs, les noms de comment dire. Là, non, mais tu sais, les artistes, là, tu sais, mettons comme Abeille Gélina. Ouais, mais c'est pas son vrai nom, ça, Abeille Gélina. Ouais, ouais, mais elle l'a fait changer. OK. C'est elle, ben en tout cas, de mémoire, là, écoute, c'est elle qui a décidé de s'appeler Abeille? Oui. Ah, je savais pas ça. Oui, ouais, c'est la sœur à Mitsu. Oui, ça je savais, Mitsu Gélina. Oui, c'est elle qui a décidé... Ah ben, spécial ça. Vraiment. Je savais pas. Ensuite, parlons de Pixar. Hier, on a parlé du fait que les princesses de Disney, il n'y en avait qu'une seule qui n'avait pas son nom dans l'affiche du film ou dans le nom. Tu sais, c'était Jasmine, la princesse, mm-hmm. qui est dans le film Aladdin, qui n'a rien à voir donc avec Jasmine. Bref, trois films de Pixar de ce côté-ci aujourd'hui montrent du sang. Savais-tu ça? Non. Trois films de Pixar. Donc, évidemment, les dessins animés pour enfants, c'est rare quand même. Pixar a commencé dans Finding Nemo à montrer du sang. Dory, le poisson, souffre d'un saignement de nez sous l'eau. Dory, dans Trouver Nemo, là. Ok, ouais, ouais. Tu te rappelles de la scène, non? Moi, j'ai pas vu. L'année suivante, les choses étaient plus violentes. Dans The Incredibles, les Indestructibles. Comment ça s'appelle en français, ce film-là? Hein? Les Incroyables, je crois. Ouais. En France, c'est des indestructibles, je pense. Bref, appelons-le Monsieur Incrédible, tiens. Saigne d'une coupure causée par un omnidroïde. Et finalement, dans Up, ou ça, c'est là-haut, je pense, en français, Pixar a sorti la machinerie lourde. Il y a deux scènes où on montre du sang. Deux incidents où Carl frappe Steve, le gars de la construction, avec sa canne. Et ensuite, quand Doug se fait mordre par Alpha, le Doberman. Wow, c'est le fun de parler de films que j'ai pas vu, donc je peux pas traduire comme faut les références. C'est le fun. Allons-y avec Buenos Aires. Tu connais Buenos Aires? Non. Buenos Aires, l'endroit. Buenos Aires. Non. L'endroit. Qui a plus de psychiatres par personne que n'importe quelle autre ville du monde. Hey? Plus de psychiatres par personne, si on fait le ratio personne versus que n'importe quelle autre ville dans le monde. Buenos Aires. Les territoires du Nord-Ouest. Au Canada, évidemment, le territoire là, qui est en haut par en haut, là, par là-bas. Ben, par là. Par là-bas. Au Canada, donc les territoires du Nord-Ouest, je me rappelais pas que dans les années 90, ils avaient pensé changer de nom. Ça savais-tu ça? Moi, je me rappelais pas. Non. Sûrement que c'est bien évident, mais moi, je me rappelais pas. Un des noms qu'ils avaient trouvé et qui avait réussi à avoir beaucoup de, d'appréciation du public, c'était Bob. Bob. Bob. Bob. T'habites où? J'habite au Bob. Bizarre, c'est simpliste un peu. Ou Abob. Ouais, je sais pas. Abob? Nabob? Bon. On l'a pas encore mesuré, dit-on, sur Internet, mais la langue de Gene Simmons, apparemment, qui mesurait 7 pouces de long. En ce moment, là, aujourd'hui, 7 pouces de long, qui est environ 3 pouces de plus que la personne moyenne. Eh ben, 7 pouces. Impressionnant. C'est un pouce de plus qu'un 6 pouces, ça! le slogan populaire Don't mess with Texas, tu connais le? Don't mess with Texas. Ça fait très très le cowboy. Don't mess with Texas. Ça vient d'une gun. Avec un gun, des petites bottes avec des. Je sais pas comment t'appelles ça, hein, au bout là. Les boulettes là. Les chevaux là. Pour les chevaux, quoi. Non, mais pour les pincer, là, ça sert à ça. C'est pour leur faire mal pour qu'ils arrêtent? Non, pour qu'ils aillent plus vite. Pour qu'ils aillent plus vite. Ah, eh ouais, ben. Radéo, ah, ouais. Comme le festival, là. Ici, dans le Nord. Don't mess with Texas. Donc, l'origine de ça, c'était dans une campagne en 1986. Une campagne qui voulait réduire les déchets sur les autoroutes du Texas. Sur les routes, là, les différentes routes du Texas. Donc, ça disait Don't mess with Texas, comme n'en faites pas de dégâts, de déchets au Texas, tu sais, en même temps. C'était ça la blague, c'est bien. Une petite phrase. Toute une blague. Hein? Nous, ben oui. Nous aussi, peut-être que nos phrases clichés d'assemblage requis un jour serviront pour d'autres causes. Tu sais? Peut-être. Peut-être pas non plus. Peut-être pas aussi. Même si on le voit sur le drapeau de l'État de la Californie, le grizzly n'existe plus dans l'État depuis les années 20, mais c'est encore sur le drapeau de l'État en Californie. Ouais. Et le souk à la corde, tu connais, tu sais, tirer à chaque barre de cette corde, a été un événement olympique entre 1900 et 1920. Aux Olympiques, souk à la corde, et ben... Je pense que je vais en faire un dernier parce qu'il m'intrigue, cela. Une voiture à New York a été complètement gelée en place la semaine dernière. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, peut-être. Non. Dans les nouvelles insolites des différentes émissions de C'est fou. C'était récemment, c'est un homme de 32 ans, New-Yorkais, Peter Elfer, est retourné à sa station wagon Audi A3 pour voir qu'elle était complètement glacée. C'est devenu un icicle géant. Mauvaise chance, donc Elfer s'était parqué directement sur une ligne d'eau qui était, dans le fond, percée ou défectueuse. Un tuyau d'eau. Et donc, les températures sous zéro et puis l'eau qui a coulé sur son véhicule pendant 48 heures de suite, ça fait que c'est complètement pris dans la glace. Il est obligé de rater des journées de travail et il a eu à libérer sa voiture pendant environ 7 heures. Il a accidentellement pété la fenêtre arrière de sa voiture en même temps. Et les gens de la ville sont venus réparer le tuyau et puis ils ont pu aider l'homme avec un marteau et une torche. Une torche! Eh bien, voilà. Ça, on peut voir des images si on va sur Assemblage Requis. Exactement.com. Yes, sir. Assemblage Requis, exactement.com. Exactement. C'est juste assemblagerequis.com. Eh hey boy, hein, je viens de la voir, là. Ben oui. C'est génial. C'est beau, par exemple, c'est très beau. Voilà pour cet un fait, François. Merci, Mathieu. Plein de faits, super utiles et une nouvelle qui date de 2 semaines. Ça fait, c'est un fait. T'en fais ce que t'en veux. Et voilà, t'en fais ce que t'en veux, ouais. C'est parce que là, il faudrait comme expliquer le jeu de moi à chaque fois, ça deviendrait peut-être laborieux. Non. Quoique l'émission en tant que telle à écouter est déjà laborieuse, donc j'avoue qu'un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas ma bagarre, hein? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On le sait, dimanche, c'est la Super Bowl. Le Super Bowl, donc la Super Coupe. Le Super Bowl. Ben oui, le Super Bowl. Donc, salut Nicolas Ducharme, spécialiste des sports assez fou. Oui, ça va bien? Ben oui, toi? Ben toujours, toujours. Bienvenue à ta première dans le dîner de con. Ouais, je suis officiellement un con ce matin. Ben oui. Je ne pourrais que plus m'en réjouir. Donc, de quoi tu nous parles par rapport au Super Bowl? Bon, écoute, Super Bowl, c'est en fin de semaine. Je commencerai pas à analyser les équipes et tout ça. Ça va être long, puis on se garde. Il y en a plusieurs demain qui vont le faire dans vos émissions. Ouais, c'est ça. Demain, c'est le spécial Super Bowl. Alors, on a invité notre bol de football, JP Grenier, qui va nous parler. On va avoir 45 minutes de football facile demain là-dessus. Non, à matin, là, je vous parle, ou ce midi, là, tout dépendant, je vous parle de comment se mettre dans l'ambiance du Super Bowl. Bonne idée, ça. Les films. T'sais, on va se mettre en... Pas nécessairement des films de la NFL, mais il y a plusieurs films de football qui existent. On les connaît. D'ailleurs, TVA, samedi, en montre 4. OK, ils sont presque vraiment un d'affilée, là. Un après l'autre. On coupe ça avec les nouvelles, mais on montre 4 films de football. C'est le spécial du côté de la chaîne montréalaise qui a pignon sur rue ici aussi à Trois-Rivières, là, dans le fond. Là. Pas qu'il y a du contenu régional, mais en tout cas. Ouais. Donc... J'y vais ben ça, c'est si on est chanceux d'avoir le câble. Parce que si t'es avec un satellite, tu pognes pas TVA régionale. Non, TVA aussi, non, je suis pas non. sûr. Il n'y a aucun poste régional, ces satellites. J'ai jamais compris ça encore. Ah, OK. Faudrait que je regarde. Là, en tout cas, peu importe. Peu importe, écoute. Fait que je vais avec mon top 10 des films quand il va. Pour ça, je vais parler de bouffe. Ah, tu vas me donner faim. Ceux qui sont pas des gens qui aiment le cinéma, vous viendrez manger avec nous tantôt. Alors, numéro 10, parce que je l'ai mis numéro 10 parce que je l'ai jamais vu. On m'a dit que c'était excellent, c'est The Longest Yard, ou en français, soit Le Dernier Essai, ou Mita ou Mitar, donc ça qui est la traduction en espagnol. OK. Non, Mitar, qui est probablement pénitentiaire en français de France. Ah, OK. Alors, Mita ou Mitar, c'est avec, mais pas le remake poche qui s'est fait avec Adam Sandler. Là. Je te parle de l'original avec Burt Reynolds, qui joue un homme qui est envoyé à prison. Puis là, le directeur de prison, c'est un gros méchant. Et, il tripe sur le football. Il tripe sur le football, fait qu'il fait un match entre les prisonniers et les gardiens. Parce qu'il n'y a aucune chance que ça vienne mal. Aucune chance que ça vienne mal. Dire, c'est totalement réaliste. Mais écoute, c'est un film qui a été nominé pour 4 Golden Globes puis un Oscar. Donc, j'en déduis que c'est excellent. Il y a une version foot aussi, hein? Tu sais, soccer, genre. Ah ouais, OK. Peut-être en Angleterre. OK, je te avec Jason Statham, genre, pis tout ça. Jason Statham, c'est cette badass avec les cheveux ouais, rasés. Ouais, c'est ça, là, exact. Pis, lui, il a l'air. Tu sais, lui, là. C'est un dur. Dans mon top 10 mâle, là. Ça, pis André Boisclair, là, c'est mon top. 9e place, Les Remplaçants, Keanu Reeves, oui. Film, bon, on s'en va en lockout. D'ailleurs, on menace de plus en plus de s'en allant en grève ou en lockout l'an prochain du côté de la NFL. Donc, Keanu Reeves commence à faire tes push-ups parce que tu vas être appelé. Donc, des amateurs qui remplacent des professionnels, s'ensuit une magnifique saison. Où est-ce qu'on l'emporte à la fin? 8e position, L'Esprit d'une équipe, ou en anglais, We Are Marshall, qui est une histoire vraie qui raconte l'histoire de l'Université Marshall. Oui, c'était bon, ça. C'était bon, c'est un film, c'est une dramatique qui raconte comment l'Université Marshall, bon, l'avion qui ramenait l'équipe d'un match s'est écrasé, tout le monde est mort, on doit recommencer un programme à zéro, et la NCAA, qui est le gouvernement du football collégial américain, ont fait une exception, ils leur ont laissé jouer des recrues, ce qui avait pas le droit à l'époque, et c'est un excellent film, plus drame, ouais, justement. C'est ça l'histoire, il n'y a pas juste du football. Là. Non, c'est vraiment... ça, c'est vraiment plus les histoires humaines qui sont ouais, tout à travers ça. 7e position, Al Pacino, les héros du dimanche, film un peu spectaculaire, classique du genre. Pas mon préféré, parce que justement, est un peu trop spectaculaire, trop loin du réalisme, mais quand même un bon show. 6, on y va dans la comédie, Le Porteur d'eau. Ouais. Adam Sandler, hein, j'en parlais tantôt. Ça, c'est son bon film de football. Stupide comme c'est pas possible du Adam Sandler quoi, avant qu'il décide de se prendre au sérieux. Avant qu'il fasse des comédies romantiques et des choses comme ça. Stupide au bout, mais il y a le film de football à travers ça. On a amené Fonz, le Fonzie du film de la série Happy Days. À travers tout ça, puis excellent, excellent. Cinquième position, je l'écoutais hier, d'ailleurs, les pros du collège avec James Van Der Beek, aussi connu sous le nom de Dawson, hein, tu sais, Dawson's Creek, là. Film de football d'une école secondaire, bon, et les tribulations d'un film d'adolescent en 99. Ben oui, mais il est bon, le film, contrairement à... C'est un bon divertissement. Il y avait même eu un remake qui était pas un autre film d'ado, qui était beaucoup basé là-dessus, et les pros du collège restent très bons. Alors, on retourne dans la dramatique Friday Night Live, qui, si on avait la version humoristique avec les pros du collège, là, on a la version dramatique là-dessus. Je pense que c'est les Lumières du vendredi en français. Je recommande beaucoup de l'écouter en anglais, tout simplement, comme la plupart des films, parce que la traduction rend aucunement justice. Surtout si c'est une traduction de France. Tu sais, quarterback, non, on dit carrière au Québec, tout simplement. Donc, les termes sont plus adaptés. Troisième position, encore dans la dramatique, avec... Denzel Washington en Souvenir des Titans. Ouais, ça c'était pas mal. Ben ça c'était plus sur les conflits entre noir et blanc. Si je me mélange pas, c'était en Alabama. Faudrait que je le revoie, enfin, je l'ai pas vu. Et comment un coach, un entraîneur noir et son assistant entraîneur blanc sont venus relier tout ça, relier tous les gens à travers ça, tous les étudiants. Et très très bon. Deuxième position, ben là, c'est dans mon préféré, Rudy. Rudy, qui est l'histoire d'un jeune nabo qui décide de jouer au football pour l'Université de Notre-Dame. je suis méchant, là. C'est Sean Astin. Sean Astin, bon, qui joue le rôle d'un... C'est une histoire vraie, ça. Ah oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui est un joueur de football, beaucoup de cœur, comme c'est pas possible, mais petit, décide à travers le temps, bon, d'essayer de rentrer à l'Université de Notre-Dame, mais doit avant ça faire ses classes à ce qu'on appelle un junior college, qui est comme un genre de cégep, si je peux comparer ici. Décide de faire ses classes, travaille, c'est l'histoire du travail pour arriver. Et finalement, le dernier jour de son éligibilité football, après avoir fait l'équipe de pratique pendant 2 ans, réussit à jouer 2 jeux football. Et c'est le seul joueur qui a été transporté en dehors du stade de Notre-Dame sur les épaules de ses coéquipiers. Fait que c'était un joueur super gros aimé, mais le talent était pas là. Mais quand on a du cœur, des fois... T'sais, on dit que tout peut arriver, là. Dans ce cas-là, c'était une histoire comme ça. Et finalement, numéro 1, film qui est sorti avec Sandra Bullock. Je m'attendais absolument à rien de ce film-là et j'ai été agréablement surpris. L'éveil d'un champion, ou en anglais, The Blind Side, qui est l'histoire d'un joueur Michael Ower, qui était, venait d'une famille avec Est-ce que c'est tiré aussi d'une histoire? Oui, c'est une histoire vraie. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement vrai parce que c'est très, très, très, très récent. Michael Ower, qui est un joueur démuni, les parents dans la drogue et vraiment, même aucune idée, c'est qui son père. Puis se fait adopter par une jeune famille riche, blanche surtout, lui il est noir, qui vont tout le supporter, tout ça, à travers tout ça, l'inscrivent à l'école catholique. Tu sais, c'est une école catholique riche, fait que tu sais qu'il y a malheureusement dans ces régions-là des États-Unis, c'est pas là qu'il y a le plus, c'est dans le ce qu'on appelle le Bible Belt, là, le Tennessee, puis toute cette région-là, le Mississippi. Bon, l'inscrivent, vont réussir à entrer finalement à Ole Miss, et finalement, il était repêché en première ronde de la NFL et a joué dans la NFL cette année. Donc, c'est une histoire qui est totalement magnifique. C'est récent aussi. C'est très récent, puis c'est vraiment de savoir que ça s'est vraiment fait, qu'il y a eu des gens qui ont eu le cœur pour faire ça. Félicitations à eux. Et si vous avez des enfants, ben je recommande toujours les Petits Géants avec Rick Moranis, un classique en son genre pour divertir les enfants un après-midi pendant que les parents vont s'amuser ailleurs dans la maison et on les enferme dans le sous-sol d'habitude. Mais sinon, quel film présente justement TVA? OK, TVA, est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y en avait dans ton top? Ben ils sont, oui. Okay. 2 petites secondes, je te sors ça. Alors... samedi, c'est Les Remplaçants à 15h45. Après ça, c'est Le Dernier Essai, mais le remake poche, comme je disais, avec Adam Sandler. À 20h41, très précisément, c'est L'Esprit d'une équipe, We Are Marshall. Et finalement, à Ciné Lune, 23h50, Al Pacino avec les héros du foot. Ah. Malheureusement, Rudy ne reçoit pas la cote, même, c'est pas un film qui est beaucoup montré, même en temps de Super Bowl. Mais chaque année, TVA fait ça, puis c'est quand même le fun qu'on aille chercher quelque chose comme ça. Hey, petite question technique, à quelle heure le Super Bowl? Bowl, exactement. Okay, Super Bowl, si je me mélange pas. Ben écoute, l'avant-match commence genre vendredi soir, mais réellement, c'est à 18h, vers 18h15 environ. L'an dernier, il y a eu 106 millions de personnes à travers la planète qui l'ont écouté. 53 millions aux États-Unis, c'était le Super Bowl le plus regardé. Et c'est sûr et certain que ça va être battu cette année. Les deux équipes qui s'affrontent, Pittsburgh puis Green Bay, c'est deux des équipes les plus légendaires. Et ça va être un excellent Super Bowl. Ça devrait être extrêmement serré. J'ai vraiment hâte de voir ça comme ça. Là. Mais l'émission la plus populaire aux États-Unis reste la finale de MASH en 83, okay. Qui était une série et qui avait été cherchée à peu près 60%. Donc, plus d'un Américain sur deux a écouté cette émission-là. Donc, jamais ça va être battu. C'était à l'époque où il y avait quatre postes aussi. Ouais, c'est ça qui aide. Là. Ça, il y a un peu trop de divertissement. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, vous avez écouté le film, les films, vous êtes dans l'ambiance, mais là, vous avez faim. Ben hein? Oui, c'est sûr. Alors, je vous parle d'un mec. Un heart attack. je vous conseille pas de le faire, mais je vous parle d'un mec qui a été nommé par les blogueurs et tout ça. Le mec par excellence l'an dernier pour le Super Bowl. Ça s'appelle le Bacon Explosion. Vas-y. Alors, je t'explique qu'est-ce la que ça recette. Prend. La recette. Ça prend deux livres de bacon, mais une coupe épaisse. Oh, oui, ouais, tu sais, une bonne coupe. Deux livres de saucisses italiennes, une poignée de des épices à barbecue, puis de la sauce à barbecue. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bacon et on fait un tressage, OK, pour faire un petit panier d'à peu près 30 cm par 30 cm en carré. Un petit panier comme quand on fait de la couture. Alors, on fait notre panier de bacon. Une rangée par-dessus, une rangée par-dessus. Ouais, c'est ça, en dessous par-dessus. C'est superbe. On assaisonne. Bien sûr. Ensuite, on prend notre bœuf haché. Je parlais de saucisses, on peut prendre bœuf haché. Il ne faut pas que ce soit des saucisses ou que ce soit de la viande à saucisses. Ouais, exactement. On fait une galette par-dessus la première galette tressée, une galette de tout ça. On assaisonne, bien sûr. Et ensuite, on rajoute du bacon, mais déjà cuit. Okay? Ah, okay. Donc, on met le bacon là-dessus, comme on le coupe en croûton un peu, mais oh, ouais. Plus gros, là, des morceaux. On assaisonne, bien sûr. Ensuite, on prend notre tressage et on le roule pour en faire un genre de bio, OK? Et à la fin, bon, tout ce qu'il y a, c'est le bacon qui sort là, vraiment. Ah oui, qui est tressé. Qui est tressé, comme à qui est par-dessus. On assaisonne. On met ça sur le barbecue et on laisse cuire ça jusqu'à temps que ça soit quand même solide. On parle d'une bonne. D'une bonne épaisseur, question que ça soit facilement qu'on puisse. Ça se tienne. Que ça se tienne, ça se coupe, que ça se tienne, ça soit plus facile à manger. Une fois que c'est sorti, on badigeonne ça de sauce barbecue. Et on assaisonne, bien sûr. Et finalement, on coupe ça en rondelles pour en faire des petits rouleaux. Là, de des tranches de rouleaux. Pas, des petits, ouais, c'est ça, des couples un peu comme comme un pain de viande. Oui, c'est le principe du pain de viande, mais beaucoup plus dégueulasse. Ben, pas si dégueulasse. C'est si tu le manges tout. Veux-tu que je te parle de comment il y a de calories dans ce 30 cm de dégoût? Ben oui, vas-y. On parle de 5000 calories, incluant au moins 500 grammes de gras. Dans un qui est entre 20 et 30 cm. Et bien sûr, on peut changer la saucisse. On peut mettre du pepperoni, et on l'assaisonne, mais on mélange les viandes. On peut rajouter des oignons, aller chercher un peu de légumes. Là. Juste pour information, on a besoin d'environ 1500 calories par jour. Oui, oui, c'est ça. Entre 1000 et 2000. Oui, c'est donc, ça. Donc, si tu manges tout ça... Ça se peut que tu ne vois pas le troisième et le quatrième quart, sauf si tu as une chambre rapidement à l'hôpital. C'est tout. C'est les seules possibilités qui s'offrent. Ou une télé dans la salle de bain, peut-être. Ouais. Ah, c'est bon, ouais. Ah, mais à cette heure, avec les TV, ça se met partout. C'est là. Ça, exact. Pas trop de problème là-dessus. Donc, c'est le mec qui a été nommé numéro un aux États-Unis l'an dernier par rapport à ce qu'on peut manger pour le Super Bowl. Je crois pas l'essayer. Je vais rester dans mes classiques ailes de poulet. Moi, je fais des côtes levées de la mort, mais vrais, par exemple. Pas les affaires que t'achètes à l'épicerie qui sont déjà cuites et assaisonnées. Là. Des vrais. Ben, quand c'est fait maison, c'est bien meilleur. Ben, 100 fois. Parce que l'effort, en plus, qui vient de donner une petite tape dans le dos. L'effort, l'amour et puis les ingrédients de qualité. Oui, c'est la différence majeure. Puis, mais c'est le fun, le Super Bowl, parce que même pour ceux qui aiment pas ben, ça... Moi, je suis pas un gars qui écoute tout le temps le football, mais le Super Bowl, j'en rate jamais un. C'est ça. C'est l'événement à l'entour de ça. Là, on parle même pour le show de la mi-temps, ça va être les Black Eyed Peas, que je trouve pas très bon. Mais on parle. Quand même. Non, mais on parle de Slash et de Usher qui viendraient se rajouter à ça en surprise. Ah, OK. Donc, le show de la mi-temps. Le poteau rose est sorti sur les internets ce matin. Et Slash il va sortir à la guitare. Ça va probablement être le seul qui va jouer de la musique dans toute cette gang-là. Ça, c'est sûr. Hey, merci, Nicolas Duchamp. Ben, ça me fait plaisir. Donc, on t'écoute à l'inconduite de partie dès demain. Demain matin, 9 à 11. Et on va parler football de 10h15 à 11h à peu près là, avec JP. Mais cette fois-ci, football... en profondeur. Ah oh ouais, tu peux pas aller plus profond que ça. Là. Pas juste des recettes. Là. Non. Ça, je gardais ça pour toi. C'est parfait. Merci, Nicolas. Ben là, tu m'as donné faim. Fait qu'on va aller écouter de la musique en attendant que je vais me taper un Heart Attack Meat, je sais pas quoi. Bacon Explosion. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. C'est ça. Oui, M. Plante. Plantureux, Mathieu. Oui. Plantureux, Mathieu Plante. Tout à fait, ça me va à merveille. Bon, on va parler de politique. Oui, avec François Landry. Mais oui, le lien ici est tellement facile à faire entre ma planturosité. Tu veux-tu dire que c'est des gros totons en politique? Oh! Oh, il l'a l'affaire! Impressionnant. Je suis réveillé un matin. Collègue. Le début est solennel. Conjoint. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. On accueille François Landry pour sa chronique Logocratie 101. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, vous-même. Oui. J'ai entendu dire que vous alliez parler de baisse d'impôts. Ouais. Ça What? S'en vient ou? Ça sent les élections. On n'en veut pas. Et pourtant, il y a un sondage qui dit que les Canadiens en veulent. Mais ben ça, j'en parle pas. Ils en veulent toujours. Ils en veulent toujours. Ben oui, c'est un sport national. Après le hockey, le football, c'est les élections. Oui, baisse d'impôts, c'est l'enjeu principal des élections qui se dessinent. Les élections, comme je l'ai dit dès ma première chronique de 2011, s'en viennent à grands pas et je persiste et je signe encore une fois aujourd'hui. Il y aura des élections au mois de mars, après le mois de mars, c'est-à-dire après le budget du budget fédéral. À savoir s'il va passer ou pas. Déjà, les partis politiques se sont prononcés à savoir... Nous autres, on veut X, Y, Z dans le budget, sinon on vote contre. On l'a su, le Bloc québécois a dit, nous autres, on veut en tout et partout 5 milliards pour le Québec. S'il n'y a pas ça, on vote contre. Le NPD a émis des mêmes critères, un petit peu plus timides, parce qu'ils sont en restructuration continuelle, eux autres. Sinon, on vote contre. Et le Parti libéral a dit deux trucs. Ils vont axer leur campagne sur deux affaires, la classe moyenne et les baisses d'impôts. Jusqu'à maintenant, c'est leurs deux discours. Classe moyenne comme étant le Canadien normal, c'est un Canadien payeur de taxes qui gagne entre 30 et 40 000 $ par année. Un Canadien normal, toi puis moi. Tu sais, c'est... Puis il a dit, avec les politiques que Harper veut apporter, ça va diminuer son pouvoir d'achat, son pouvoir de consommation, donc de sa qualité de vie. Donc, ça va diminuer. Donc, nous autres, on se pose en défenseur des petits gens. Non pas des pauvres ni des riches, mais de la classe moyenne. Puisque les pauvres ne payent pas d'impôts et les riches non plus. Et l'autre discours, c'est justement les impôts. Parce que Harper a dit dans son dernier budget qu'il veut baisser les impôts, non pas des particuliers, mais des entreprises. Et ça, les entreprises payaient, écoute, j'ai les chiffres ici, payaient le 1er janvier dernier 18%. Et ça passait à 16,5% d'impôts. Et là, si le prochain budget passe, la baisse d'impôts ira autour de 15%. Donc, on passe de 18 à 2 ans à 15 aujourd'hui. Juste un point d'impôt, un pourcentage d'impôt au fédéral, c'est pas 1, pas 2, pas 5, mais 6 milliards de dollars en revenus que le gouvernement... 1%? 1%. C'est 6 milliards de dollars de revenus que le gouvernement fédéral n'aura pas. Et ça, c'est sans compter la baisse de la TPS. On s'en souvient qu'elle est passée de 7 à 5%. Donc, c'est encore 1 milliard par point de TPS. Juste pour le Québec. Puis, imagine, au Canada, c'est tu multiplies par 10, puisque 10 provinces. Donc, ça a un peu entre, mettons, là, pour être démagogue, entre 8 et 10 milliards que le gouvernement fédéral va se priver de revenus clairs pour ses programmes. Donc, qui dit privation de revenus, dit privation d'investissement, de subvention. Donc, tous les programmes sociaux qu'il y a au Canada vont devoir se serrer la ceinture pour arriver à leur fin, parce qu'il ne pourra plus y avoir de l'argent neuf d'investi. L'armée coûte cher, les prisons nouvelles que Harper fait construire vont coûter très cher. L'assurance emploi au fédéral est dans le trou, pour ne pas dire plus impoliment la situation. Tout va mal dans le budget du Canada. Tout, la dette aussi. La dette, il y avait eu un équilibre. Okay. On suivait que Jean Charest... Jean Charest, c'était au fédéral aussi à l'époque. Mais Jean Chrétien avait quitté le gouvernement avec une santé financière très importante depuis de nombreuses années. Il avait réussi à résorber le déficit et aussi à maintenir un équilibre dans les finances. Donc, il y avait autant de revenus que de dépenses. Donc, d'où la dette qui ne pouvait pas grossir davantage. Mais là, avec les coupures, justement, TPS, la baisse d'impôts promise... La récession aussi. La récession qui a fait beaucoup de dommages au Canada, quoi qu'on s'en est bien sorti, mais qui a quand même fait beaucoup de dommages. On a perdu juste 300 000 emplois au Canada. Hein? Puis on en a créé 200 000 depuis. Bon, ben ça, c'est la norme. On est en déficit donc de 100 000 emplois au Canada en un an. C'est quand même beaucoup, là, 100 000 emplois. Hein? C'est beaucoup, c'est énorme. T'sais, les entreprises qui rouvrent, on va créer 42 emplois. Oui. Je suis content, 42 emplois, mais il en manque encore de 90 000. Là. Mais bon, et là, il n'y a pas juste Michael Ignatieff qui s'inquiète de cette baisse d'impôts-là. Il va en faire son cheval de bataille pour dire, regardez, quand les finances iront bien au Canada, on pourra penser à baisser les impôts. Mais pour l'instant, ça va mal. La crise a fait du tort et il y a un spectre d'une nouvelle crise qui pointe à l'horizon en Europe. On l'a vu dernièrement avec la Grèce, l'Irlande, le Portugal aussi, ça allait très mal. Et là, les troubles dans le Maghreb et dans le milieu arabe pourraient accentuer une crise pétrolière parce que c'est de là que proviennent en grande partie nos réserves de pétrole. Donc, une crise énergétique pourrait aussi se pointer à l'horizon pour 2012. Donc, tout qu'est-ce ça... Qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement? Penses-tu que ça va arriver ou... La crise? Oui. Ah, deuxième récession comme... On est dans une récession présentement. On est... techniquement, non, mais dans les faits, la relance économique ne se fait pas. Les faillites personnelles aux États-Unis augmentent d'une manière exponentielle. La Banque du Canada, il n'y a pas longtemps, a demandé à ce que les prêts immobiliers, un prêt pour une maison, soient réduits. Il y a deux ans, tu te souviens, c'était de 40 ans. Ils l'ont passé à 35 ans pour une hypothèque. Et là, ils l'ont réduit à 30 ans. Ça veut dire quelque chose, ça. C'est parce que on s'achète une maison. Oui, on est riche. On a un job à 8$ de l'heure. On achète une maison à 100 000 pour flasher. J'ai une table à pique-nique dans ma cuisine puisque j'ai pas d'autre argent pour m'acheter une table. C'est pas grave, personne la voit. Exactement. Donc, c'est la façade à l'image. Mais bon, mes paiements de 100$ par semaine, à un moment donné, ça commence à faire cher. 100$, c'est 10 heures de travail pour quelqu'un qui gagne le salaire minimum, là. Donc, sur 40 heures, il t'en reste juste 30 pour payer l'épicerie, les loisirs, les enfants, l'éducation, les dettes, la carte de crédit et le plaisir, t'sais. Donc, il ne te reste plus une scène. Donc, au bout de 5 ans, peux-tu avoir hypothéquer ma maison? Bon. Quand tu hypothèques, c'est un autre montant que tu empruntes. Mais là, la Banque du Canada a coupé aussi la facilité pour hypothéquer sa maison. Ah ouais? Oui. OK. Parce que justement, les gens prenaient 2-3 hypothèques. Donc, ils avaient 200-300 000 piastres dans leur poche. Plus aucune dette, mais... Essaye de payer des intérêts sur 300 000. C'est trop. Là, j'imagine qu'il y en a qui sont capables, mais... Il y en a. Ceux qui en ont les moyens, tant mieux. Mais ceux qui... la classe moyenne, on revient à elle. Elle peut pas. C'est physiquement impossible. Donc, il y a une crise qui pointe à l'horizon toujours avec les troubles en Europe. L'euro qui risque d'exploser. On remet en question la pertinence de maintenir un seul billet de banque en Europe, donc l'euro. On pourrait revenir au franc français. Ah, pour vrai? Oui. On est en train de dire qu'il y a eu un échec lamentable de l'euro. Là, ils font tout. Ils jouent avec les colonnes de chiffres. Ils jouent avec le fonds monétaire pour tenter de réguler la situation. Mais il suffit juste qu'il y ait un soubresaut, qu'il y ait un pays, qu'il y ait une crise ou une grosse entreprise qui fasse faillite ou... La bourse qui replonge comme le jeudi noir il y a deux ans, où le marché immobilier qui s'écroule et l'euro pourrait exploser dans les jours, les semaines qui suivent. Donc l'euro qui éclate, c'est le dollar américain qui flanche et toutes les autres monnaies, le yen japonais et tout ça. Là, donc. Et aussi, il ne faut pas oublier le marché émergent qui est l'Amérique du Sud. Donc eux, des pays du tiers-monde qui émergent, qui veulent aussi un poids dans l'économie mondiale. C'est ça, leur part de marché. Tout à fait légitime de l'avoir. Ben oui. Alors, on sait que c'est le Brésil, la première puissance économique montante. Ils ont eu quasiment du 100% d'augmentation de PIB années. Alors que le Canada, c'est du 2-3% quand ça va très bien. Aux États-Unis, c'est du 1% quand ça va très bien. Mais eux autres, c'est du 100%, là, donc en... Ça va très, très bien. Une nouvelle masse de gens qui veulent avoir accès à l'automobile, au garage, Super Nintendo, tu sais. Donc, c'est du commerce. Et non seulement ça, mais le Brésil va également avoir la Coupe du Monde et les Jeux olympiques, ce qui aide beaucoup à la croissance d'un pays. La notoriété. Ça a un impact sur plusieurs années par rapport à ça. Exactement. Donc, c'est pas juste demain matin, comme tu dis, Simon. C'est sur 10 ans, 20 ans. Et tout le monde prévoit, les spécialistes prévoient que la Chine va devenir la première puissance économique du monde d'ici 2030. Ça, c'est demain matin, là. En termes économiques, c'est demain matin. Ben, je dirais même avant, je pense. Probablement, probablement, à moins qu'il y ait encore des soubresauts ou une guerre ou peu importe, mais tous en ligne vers ça. Maintenant, la deuxième puissance, c'est la Chine, qui a détrôné le Japon l'an dernier. C'était le Japon. Puis le Japon est en crise économique perpétuelle depuis une dizaine d'années. Ça va très mal. Ils ont passé 10 gouvernements en 9 ans, à peu près. Mm-hmm. Donc, ça va très mal au Japon. Et c'est eux autres qui étaient la première puissance économique après les États-Unis, donc à surveiller. Donc, au Canada, on dit la situation va très bien, on baisse les impôts. Mais là, Michael Ignatieff s'oppose à ça. David Dodge, le gouverneur de la Banque du Canada, donc celui qui émet les billets de banque, dit non, non, non, non, on touche pas aux impôts, on peut pas. Et aussi le FMI, le Fonds monétaire international, c'est une grosse instance extra-planétaire, quasiment. C'est eux autres qui décident d'investir dans un pays, de soutenir un gouvernement de par les investissements. Et bon, ici, je ferai pas une chronique internationale. C'est eux autres qui contrôlent. C'est eux autres qui contrôlent plusieurs pays avec justement les dettes et les emprunts de ces pays-là. Donc, ils ont dit tu mets tel gouvernement en place ou telle politique, sinon on te retire nos crédits. Et là, c'est ce qui arrive en Tunisie, en Égypte. Le Front monétaire s'est retiré, donc soulèvement populaire. Donc, tout ça fait en sorte que même le Fonds monétaire international dit à Harper, touche pas aux impôts. Parce que ça va appauvrir la population et on veut pas qu'il y ait des soubresauts. Lui, il dit le contraire. Il dit que si on baisse les impôts, ça va enrichir l'ensemble de la population. Oui, parce qu'il dit moins d'impôts, plus d'investissement des entreprises privées. T'sais, c'est son idéologie conservatrice libertarienne sur les bords de dire l'entreprise privée va faire vivre l'économie au Canada. Mais c'est complètement insensé. Parce que c'est prouvé que cet argent-là, bien souvent, ça en va dans les poches des propriétaires d'entreprises. Il n'y a aucun investissement qu'il a fait. Puis bien souvent, en plus, c'est des impôts des compagnies étrangères. Donc l'argent s'en va même à l'extérieur du pays. Exactement. Et sans compter les subventions du gouvernement qui sont non remboursables. Hein. Faut bien se le dire. Le gouvernement qui subventionne une entreprise, c'est non subventionnable, non remboursable, ou on abandonne l'idée de remboursement après un certain temps. Personne n'en a entendu parler, donc... Ouais, c'est ça, ça fait des années, donc... C'est ça, passe un peu inaperçu. On annule la dette, puis on les carrie de main. Puis là, ils déménagent, comme Electrolux, près de la région de Montréal. Le gouvernement provincial, cette fois-ci, avait investi énormément dans cette entreprise américaine. Même pas américaine, c'est scandinave. Ouais. Et ils ont dit, bon, ben la dette est remboursée. Le gouvernement dit, plus besoin de rembourser la subvention. Parfait, on ferme nos portes, on déménage. Merci, on s'en va au Mexique. Merci, bonsoir. Même pas, aux États-Unis. Ça va aux États-Unis. Les États-Unis sont moins chers maintenant qu'au Canada pour envoyer les gens. Ouais. Donc, c'est tout dire que les États-Unis se tiers-mondialisent. Ouais. Un tout petit peu, tout dépendamment des États ou des régions. Mais tout ça fait en sorte que ça va être l'enjeu de la prochaine campagne électorale qui devrait avoir lieu ce printemps. Donc, je le répète, le budget à la mi-mars, la Chambre des communes qui a recommencé depuis lundi à siéger. Et la première chose que les députés ont dit en se levant en Chambre, c'était « baisse pas les impôts, Harper ». Ensuite, ils ont parlé d'autres sujets, mais c'était les impôts, le sujet prioritaire pour dire « on n'est pas assez solide pour faire ça ». C'est comme si toi, François, tu disais « je viens de m'acheter une maison, j'ai un nouvel enfant, j'ai une blonde à faire vivre aussi, ou à moins contribuer à faire vivre. T'as ça sur ma catécote. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, mon François. Mais dis, tu participes à l'économie de ta famille, et là, tu dis, gars, je vais baisser mon salaire à la job. Hein? Juste pour aider ces fous un peu, je vais baisser mon salaire. Tu sais, je vais passer de 50 000 à 20 000. Ben, 50 000. Hein? Wow. Donc, tu pourrais être généreux comme ça et dire, gars, je vais faire un don. Alors, est-ce que tu vas pouvoir payer ta carte de crédit à la fin du mois? Tu vas peut-être, au lieu de mettre 30 pièces, tu vas peut-être mettre le minimum. Est-ce que ton char, tu dis, si je saute un paiement, ouais, je vais avoir des intérêts au prochain mois, mais au moins, ce mois-ci, je vais être lousse. Je vais pouvoir payer mon épicerie. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc, au lieu de dire, à la place, je vais conserver mon salaire, mais j'aurai peut-être pas d'avantage, ou mon prochain contrat, je vais dire, non, je ne toucherai pas tout de suite, en attendant que ma situation se résorbe. Quand ma carte de crédit va être finie de rembourser? Quand, je sais pas si ma blonde va peut-être avoir une augmentation de salaire, ça va venir contrebalancer ce que je fais pas. Là, je pourrais songer à baisser mon salaire. C'est la même dynamique qui doit s'appliquer au gouvernement aussi. Quand l'économie va bien ou mal, tu touches pas aux impôts. Quand l'économie va très bien, là, on peut donner des cadeaux à la population. Mais encore là, à la population, tu l'as dit. la population ou aux entreprises, tout dépendamment c'est quoi. S'il y a une crise vraiment économique, on aide les entreprises pour créer de la richesse en créant des emplois. Mais là, la création d'emplois fonctionne plus ou moins bien. Lorsque le gouvernement a baissé de 18 à 16% les impôts, il y a eu seulement 30 000 emplois de créés grâce à ça. Est-ce que ça vaut la peine? Alors qu'on l'a dit précédemment, il y a eu 300 000 emplois de perdus à cause de la crise économique. Est-ce que ça vaut la peine de se priver de 10 milliards en revenus pour créer 30 000 emplois? Alors que la situation économique fait en sorte que il faut juste aider plutôt à les entreprises qui sont déjà mal en point à repartir. Si on fait, si on dit que ça a créé 30 000 emplois pour une baisse de 2 %, on a juste à faire x 10 et on va faire 300 000 emplois. Donc, il faut baisser de 20 % les impôts qui sont rendus à 16. On donne 4 % de leurs impôts aux, ouais, sinon, aux entreprises. Ou plutôt, on donne leurs 4 % aux entreprises. Oh, oh, oh. Oh, oh, jeu de mots aussi. Je me prends pour Mathieu. Merci, Téphane. Bon. Mais tout ça pour dire que prochaine élection, ça va être l'enjeu principal. C'est à surveiller de très près. Et les élections, comme je dis, au mois de mai, ça s'en vient à grands pas. Ça sent, là. Oui, ça sent. Fait qu'on vote pour qui? Ça, on en reparle. On en reparle, on fait un pool, comme on a dit. Je ne vais pas me prononcer. Ça serait le fun. Ça serait le fun, un pool. Un pool, parfait, ça. Je vais prendre ça. Parfait. Ouais. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. On te retrouve jeudi prochain, 8h30, pour une autre chronique Logo Classé 101. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. On apprend que la série Dallas revient. On n'y aurait jamais cru. Donc, une nouvelle saison. Eh bien, oui. Figurez-vous, que le vilain Jireh Ewing sera tenu quand même et encore par Larry Hagman, le même, le vrai. On retrouvera aussi Linda Gray qui jouera le rôle de Sue Ellen et Patrick Duffy qui incarnera Bobby, comme au bon vieux temps finalement. Pour ceux qui n'ont pas connu cette série Dallas, eh bien il s'agit d'une série sur la vie de famille texane travaillant dans le secteur du pétrole et qui arrive à tout plein d'aventures, sentimentalo tragique. Donc, ce fut un succès mondial des années 80. On se souvient vraiment de J.R. Ewing. Les scénaristes et les producteurs ont trouvé une idée pour faire revivre ces aventures, celles des descendants de la famille Ewing. Bien sûr, donc, quand même, hein, bientôt, on va revoir la série Dallas sur nos écrans. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais quand même. On y va avec celle-là ici. Il reproduit des pochettes d'albums célèbres avec des Lego. Et puis, c'est assez intéressant. J'ai déjà mis les images sur la page Facebook du Dîner de cons. C'est un artiste qui s'est servi de Lego pour reproduire quelques-unes des plus célèbres pochettes. Donc, ce travail à la fois artistique et passionné a été réalisé par l'artiste britannique Aaron Savage. Et puis, il est âgé seulement de 21 ans. Il a reproduit quelques-unes des plus célèbres pochettes de l'histoire du rock, rien qu'avec quelques petites pièces Lego très simples, mais bien sûr, customisant légèrement quelques bonhomme jaune en leur ajoutant par exemple des cheveux ou une barbe. Il est parvenu à évoquer sans mal des pochettes de Nirvana, Blur, Red Hot Chili Pepper ou encore Blondie. Avec ce travail, Aaron dit avoir voulu créer quelque chose d'original avec ses petites briques, trouvant que reproduire des pochettes d'albums célèbres était un bon moyen pour lui d'allier deux de ses passions qui sont la musique et les Lego, hein, bien sûr. Aaron Savage a ainsi redonné une seconde lecture de quelques-uns des albums les plus mythiques du rock et de la pop. Allez voir ses petites pochettes en images sur la page Facebook du Dîner de cons. Et puis, on pourrait demander aux enfants comment se rendre sur cette page Facebook. Et ensuite, on clique sur le Dîner de cons. Quoi? On clique sur le Dîner de cons. Et ça mène où tout ça? Sur la page Facebook du Dîner de cons. Ben merci les enfants. Donc, c'est comme ça qu'on y va. Et puis, ben, aidez-nous, mais devenez fans de cette page, c'est merveilleux. Et puis, je vous parle de la pire journée d'un caviste en vidéo. Vous savez, c'est quoi un caviste? Eh bien, quelqu'un qui s'occupe finalement, mettons ici, on pourrait dire quelqu'un qui travaille à SAQ, hein, pour être assez simple dans l'explication. Donc, on nous dit que caviste est un métier de rêve. Vivre au milieu des grands crus, des bouteilles rares dénichées dans les régions les plus reculées de la planète. Donc, un rêve pour tout amateur de bonnes bouteilles. Conseiller les gens, leur faire découvrir de petites perles, des cuvées, de haute couture, des artistes vignerons, recevoir les clients pour déguster, partager sa passion pour le vin. Une vie de rêve, non, oui, bien sûr, mais le rêve rêve peut passer au cauchemar dans cette petite vidéo. Tout n'est pas rosé dans le métier de caviste et certains jours, on ferait mieux de ne pas se lever comme sur cette petite vidéo. Ce caviste, un des plus malchanceux du monde, finalement, range délicatement des bouteilles sur les étagères de son magasin. Sauf que à quelques minutes à la fin du vidéo, on voit que l'étagère commence à s'affaisser et puis tout d'un coup, l'étagère finalement s'écroule et les centaines de bouteilles de vin tombent et puis ça fait un dégât, mais pas possible, donc un torrent de vin. Assez intéressant à aller voir ça sur la page Facebook du Dîner de con, quand même assez intéressant. Sinon, une qui vient juste de sortir sur le fil de presse comme ça et qui est assez hétéroclite, eh bien c'est aux États-Unis, une femme arrêtée et accusée de cruauté animale après avoir envoyé un chiot vivant par la poste à la destination d'un enfant. Donc voilà un curieux paquet par la poste de Minneapolis aux États-Unis qui a eu à traiter. Donc alors que les employés de bureau de poste manipulaient les colis, ils ont remarqué un qui bougeait. En y regardant de plus près, ils ont aussi entendu des bruits haletants et ont alors demandé l'autorisation d'ouvrir le colis suspect. À l'intérieur, ils ont découvert un chiot de race Caniche Schnauzer, âgé d'à peine 4 mois. L'animal était accompagné d'un petit mot. Sur le petit mot, il était inscrit « C'est pour ton anniversaire de 11 ans. Je sais que c'est ce que tu voulais. » Donc, son colis n'ayant pas été envoyé, l'expéditrice s'est rendue quelques jours plus tard au bureau de poste pour réclamer le remboursement des $22 qu'elle avait dépensé pour affranchir le colis vivant. Prise sur le fait, elle sera bientôt jugée pour cruauté animale. Et de son côté, les agents de police expliquent au magazine Star Tribune que si vous n'identifiez pas un paquet pour qu'il soit manipulé correctement, il va dans la soute d'un avion. Les températures atteignent moins 40 degrés dans ces soutes, donc qui volent jusqu'à 12 000 mètres d'altitude et il n'y a pas nourriture ni eau. Donc, l'animal aurait donc pas survécu au trajet de 2 jours qui l'attendait, d'autant plus que les trous d'aération étaient obstrués. L'animal se porte bien aujourd'hui et devrait être proposé à l'adoption si la femme refuse de le récupérer ou si elle est reconnue coupable de cruauté animale. Donc, faites attention un peu à ce que vous envoyez par la poste. Eh bien, peut-être une petite dernière. Tiens, je vais aller mettre la vidéo sur la page Facebook du Dîner de con. Ce sont des policiers russes ivres filmés en train de danser torse nu sur leur voiture. Donc, afin de célébrer la promotion d'un de leurs collègues, une poignée de policiers russes a entrepris de fêter l'événement d'une façon un peu conventionnelle. En effet, ceux-ci se sont retrouvés à danser et à chanter torse nu sur le toit d'une de leurs voitures de fonction, gyrophare allumé et complètement ivre. Tandis que l'un d'eux singeait la danse du film La fièvre du samedi soir. Un autre se tenait l'entrejambe imitant donc un accouchement ou Michael Jackson, on ne sait pas. Donc, cette scène incroyable s'est déroulée dans les environs de Sverdlovsk Oblast, dans le centre de la Russie, et a soulevé l'indignation générale du corps de la police du pays. Le chef de la police locale, Yum Diomin, a qualifié les policiers mêlés à l'affaire comme des gens n'ayant que peu de dignité. Ces derniers ont d'ailleurs été suspendus de leurs fonctions. Et puis, je vous invite à découvrir ces policiers ivres en vidéo sur la page Facebook du Dîner de con. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le Dîner de con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.